Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La politique, l'histoire, la philosophie et la poésie, le cinéma. Il peut être question de tant de domaines dans une émission de France Culture. Celle-ci a été diffusée pour la première fois le 7 mai 1993, lorsque sa figure centrale a la force de Bromek. Bromek, comme l'appellent ses amis, contraction de Bronislav Geremek, l'un des intellectuels les plus connus de l'Europe centrale, spécialiste de l'histoire médiévale, mais aussi, Pologne oblige, acteur et analyste du syndicat Solidarnosc. J'ai beaucoup d'émotions, monsieur le professeur Bronislav Geremek, à vous accueillir ici, c'est que nous vous avons beaucoup attendu. Comment dire ma gratitude à l'égard de l'Université de Paris qui m'accepte maintenant parmi ses docteurs? Il y a dans cet amphithéâtre des amis qui se rappellent encore mes premiers pas. Très incertain dans ce Paris inconnu, du côté de la 6e section de l'époque, de la Sorbonne, de l'école des Chartes, du côté de mon maître Fernand Braudel. La vieille université de Cracovie porte comme son insigne la parole « plus ratio quam vis », donc la raison. Et pas la force, la pensée, pas la violence. Et ce qui a été fait dans les années 80 en Europe de l'Est, et qui est encore en train de se fait sans violence. Voilà cette Europe centrale, post-communiste, qui veut être admise au sein de l'Europe, est celle qui lutte pour les valeurs fondamentales propres à l'Europe tout entière. Et les fantômes et les dangers qu'elle apporte ne sont dus qu'à la misère et au manque de l'espoir. Cet échange date du 20 mars 1991. Il est extrait d'une étrange cérémonie. Grand amphithéâtre de la Sorbonne, toge, rang d'hermine, sans oublier une poignée d'habits verts. Au son des distingués couinements de l'orchestre du lieu, Bronislav Geremek est reçu docteur honoris causa de l'Université de Paris. Honoris causa, pour l'honneur. La locution latine, elle, sonne fort juste. Le polonais Geremek est, avec le tchèque Havel, le plus connu de ces intellectuels d'Europe centrale qui se sont mis en tête d'exercer quelques pouvoirs. Non pas, comme aimait à dire Chateaubriand, pour prouver aux petites gens qu'un homme d'esprit peut avoir les talents d'un sot. Non, pour tenter de rendre leur honneur perdu à d'anciennes démocraties populaires. Havel à Prague ou Geremek à Varsovie nous font l'effet de surgénérateurs moraux. Nous vous avons longtemps attendu, lançait Madame Gendreau-Massalou à la Sorbonne. allusion à cette période de captivité, puis de semi-liberté pour Bronislav Geremek, entre 1981 et 1989, entre la mise sous le boisseau du syndicat Solidarité, dont il fut un des experts, et cette fameuse table ronde, en grande partie son œuvre, qui permit au Parti ouvrier unifié polonais de s'effacer sans trop perdre la face. Enfin, sur les bords de la Vistule, la liberté s'imposait et le sang ne coulait pas. Le bon plaisir de Bronislav Geremek a beaucoup attendu lui aussi. Pas facile de traquer un homme qui vous déclare d'emblée, dès qu'il pourrait s'agir de lui-même, avec une inflexion dramatique dans la voix, une lueur ironique et sauvage dans les yeux bleus et un frémissement poivre et sel dans la barbe, « Je me défends !» Et pourtant, profitant de ses passages à Paris où l'appelle la chaire internationale du Collège de France, il vous accorde 5 heures d'affilée en février 93. Et il vous en dit soudain plus sur lui-même qu'il n'en a jamais lâché à bien des proches. Et puis, 2 mois plus tard, à Varsovie, le voilà qui se referme. Le chef du groupe parlementaire de l'Union démocratique, le président de la commission des affaires étrangères de la Diète, Finas, où vous oppose une prétendue spécificité polonaise que vous ne saisirez jamais. Il est ainsi, Bronislav Geremek, certains l'appellent Bronek, un Janus sensible et secret. Il enterre son passé pour exhumer celui de ses fils de Caïn, de ses marginaux parisiens, de ses truands et misérables du bas Moyen-Âge, auxquels il a consacré de splendides études. Universitaire mais homme politique, homme politique mais universitaire, il s'est résolument campé entre conviction et compromis. Durant près de 3 heures, voici donc l'abordage d'une intelligence mystérieuse. À Paris, avec l'historien Jacques Le Goff et le journaliste Bernard Guetta, puis à Varsovie, avec un spécialiste du XVIIIe siècle français, Andrzej Siemek, et un cinéaste documentariste, Marcel Ozinski. Alors, courons de suite à la première rencontre de Bronislav Geremek, qui, pipe au bec, vêtu d'un grand pardessus noir, s'avance avec une sorte de nonchalance aux aguets dans une artère du Faubourg Saint-Germain, pour nous parler, bien sûr, du meilleur fils de la Pologne. C'est ici, dans cette maison, où nous trouvons 63 rue de Seine, que Mickiewicz a écrit son chef-d'œuvre « Messier Tadé ». Et Messier Tadé commence par un vers « Lituanie, ma patrie ». Je me rappelle encore, quand j'étais jeune, j'essayais d'apprendre aussi la langue internationale, l'espéranto. Et alors la première chose que j'ai appris il y a plus de 40 ans, c'était le vers « Lituania patrias mias », qui en espéranto était la traduction du même vers. Voici donc le plus grand poète polonais qui dit « Lituanie, ma patrie ». C'est que par une longue tradition, depuis la fin du XIVe siècle, la Pologne et la Lituanie étaient liées entre eux, d'abord par union politique. Le prince lituanien, païen à l'époque, qui s'appelait Jagello, Jagiełło, a épousé une jeune princesse polonaise, Edwige. Elle, devenue plus tard sainte, et lui-même baptisé, prenant le nom de Władysław, c'était fondateur de la dynastie des Jagello, qui régnait sur la Pologne, la Lituanie, à une certaine époque sur la Hongrie et la Bohême. C'était d'abord une union politique, mais ensuite c'était aussi une union sociale. Si on regarde la composition de l'aristocratie polonaise, on voit une immense part que les gens venus de la Lituanie y forment. La Lituanie, c'était le grand-duché de Lituanie, qui embrassait à l'époque aussi ce que l'on appelle maintenant la Biélorussie. C'était la Lettonie, la Biélorussie, ou comme nous disions, la Ruthénie blanche. Alors un immense territoire, avec des très grandes propriétés terriennes, et c'est là où s'est formée la grande noblesse polonaise. Ainsi donc, le plus grand poète de l'époque romantique, peut-être le plus grand poète polonais, qui a écrit son chef-d'œuvre à Paris, quand il était émigré, et avant de devenir professeur au Collège de France, et qui commençait son grand poème épique par cette phrase « Lituanie, ma patrie ». Depuis 1989, c'est un peu libéré du joug soviétique, comme on disait là-bas. Est-ce que depuis ce moment-là, une Lituanie indépendante taquine un peu la Pologne par rapport notamment à Adam Mickiewicz ? Est-ce qu'il fait l'objet d'une sorte de dispute politico-littéraire ? Je pense qu'on peut dire que tout l'héritage culturel lituanien est l'objet de ce litige entre la Pologne et la Lituanie. La Lituanie s'est formée à l'époque de l'union avec la Pologne et la christianisation de la Lituanie, qui était le dernier pays européen à devenir chrétien, s'est faite par l'intermédiaire de la Pologne. Ainsi donc, toute la culture moderne s'est formée sous l'influence polonaise. Et maintenant, il est très difficile, surtout pour les Lituaniens, de discerner ce qui est polonais, ce qui est lituanien. Le paradoxe de l'histoire, c'est que justement le plus grand poète polonais peut être considéré par les Lituaniens comme un poète lituanien, bien qu'il ne savait pas la langue et qu'il n'a rien écrit en lituanien, il a écrit tout en polonais. Et puis aussi le plus grand poète vivant maintenant, qui est Czesław Miłosz, prix Nobel, lui aussi est d'origine lituanienne. Et il a le sentiment, si vous voulez, d'appartenir au paysage de la Lituanie, mais pas à la culture lituanienne. Son oncle, Oskar Miłosz, poète appartenant en fait à la culture française, puisqu'il écrivait toujours en français, et qui a eu une très grande influence sur Czesław Miłosz, le poète polonais vivant, eh bien, Oskar Miłosz, ne sachant pas un mot en lituanien, est devenu, après la Première Guerre mondiale, le premier ambassadeur de Lituanie en France, sans savoir un mot en lituanien. Ainsi donc, ce sont des destinées complexes, mais puisque nous parlons de la Lituanie et de la Pologne à Paris, je dirais qu'il n'y a pas longtemps, c'est à Paris que j'ai vu Messie Landsbergis, à l'époque président de Lituanie, un homme pour lequel j'ai beaucoup d'estime et qui est un de mes amis, je connais depuis des années. En 1989, c'est à son invitation que je suis allé pour la première fois de ma vie en Lituanie. Et alors, pour moi, voir la ville de Vilnius, que nous appelons Vilno, de voir une merveilleuse architecture du Grand-Duché de Lituanie, mais qui est une architecture baroque polonaise, formée par la contre-réforme, par les jésuites. J'ai retrouvé les mêmes églises qu'à Cracovie ou à Poznań, à Vilno. Et puis aussi, de voir le couvent des Basiliens, des Vilno, Vilnius, où Mickiewicz décrit une des scènes célèbres de son œuvre « Les aïeux », où il y a la grande improvisation. Ça fait partie du patrimoine national polonais. Alors je disais à Landsbergis, à Vilno, Vilnius, et voyez, j'y suis ici et je me sens pas dépaysé. Et je voudrais que vous aussi acceptiez cela. Et Landeberghis l'a accepté sans problème. Seulement, c'était Landeberghis, musicien, intellectuel, qui l'acceptait. L'homme politique ne l'acceptait pas. À Paris, en 1992, j'avais une conversation assez dramatique avec lui en lui disant « Comment c'est possible? Vous êtes ami de la Pologne, vous avez une certaine dette de reconnaissance, vous l'avez dit vous-même, à l'égard de la Pologne indépendante et de la résistance polonaise, et maintenant vous refusez les droits à la minorité polonaise vivant en Lituanie, c'est quelques 10% de la Lituanie. » Et l'homme politique, avec une obstination incompréhensible, me refusait de donner raison et aussi refusait à la minorité polonaise en Lituanie les droits que je crois lui sont dus. J'ai dit avec une certaine amertume, parce que maintenant Landeberghis a perdu sa bataille politique. C'est un ex-communiste, Brazauskas, qui vient d'être élu président de la Lituanie. Et par paradoxe de nouveau, c'est Brazauskas, l'ex-communiste, qui va donner à la minorité polonaise en Lituanie les droits. Qui aime la France, qui aime Paris, retrouve les traces de Mickiewicz à chaque pas. Plus encore, je viens d'être nommé professeur au Collège de France, et bien Mickiewicz, en 1840, a été nommé professeur au Collège de France. Il a obtenu une chaire des langues et littératures slaves. Mais il a été révoqué en 1944 et vous ne le serez pas, vous révoquez. J'espère. Il a été révoqué pour la bonne cause. C'est-à-dire, avec Michelet et Kiné, Mickiewicz était la voix de la liberté. On peut penser que l'exaltation de la liberté, tellement présente dans ce cours, est un peu incompréhensible à l'homme du XXe siècle. Mais cet acharnement avec lequel il défendait la liberté de l'expression, la liberté de la religion, et aussi la liberté, lui, poète polonais, d'une Pologne qu'il a perdue. Il y avait quelque chose de dramatique dans cela. Je pense que ça fait partie du patrimoine polonais. Cet acharnement avec lequel il prônait la liberté à Paris est très polonaise. Mais puis, il s'est engagé dans la politique. Il a cessé d'être poète, en fait. En devenant politique, en devenant le tribun passionné du renouveau du christianisme, Mickiewicz semblait abandonner la poésie, il a cessé d'être poète. Mais je me demande aussi, est-ce que moi, depuis un certain temps, l'homme politique n'a pas abandonné l'histoire aussi? Je ne le pense pas, j'essaye de la continuer, même en étant homme politique. Mais il y a encore un événement de la vie de Mickiewicz qui vaut la peine d'être souligné. Il est venu à Rome, il est allé à Rome pour présenter au pape son expression de foi politique. Et à un certain moment, il a dit « Saint-Été, l'esprit du vin est dans les blouses des ouvriers parisiens ». Je pense que aussi mon attachement à la politique qui s'est faite par hasard parce que j'y suis allé avec une lettre des intellectuels de Varsovie en 1980 à Gdansk, lors de la grève au chantier naval. C'est fait de la même façon, parce que là, tout d'un coup, j'ai vu dans les milieux ouvriers de Gdansk cette fontaine de l'esprit national et qui, d'un attachement à la liberté qui dépassait les revendications sociales. Voilà, donc, quand on parle et quand on pense de Mickiewicz, il ne faut pas oublier, c'est peut-être difficile à comprendre à un auditeur français, que c'est l'histoire de la Pologne. Mickiewicz n'appartient pas à une époque révolue au XIXe siècle, partiellement parce qu'il y a l'héritage romantique présent en Pologne comme nulle part ailleurs, mais aussi parce que même dans l'histoire récente, le nom de Mickiewicz réveillait les sentiments nationaux. En 1968, l'année qui dit quelque chose aussi aux Français, mais qui en Pologne était une année du réveil des milieux intellectuels, des étudiants en particulier. Eh bien, ça commençait par une présentation de la pièce « Les aïeux » de Mickiewicz au Théâtre National de Varsovie, où, pendant la présentation, les étudiants de Varsovie faisaient des manifestations parce que les phrases qui venaient de la scène et qui concernaient l'occupant russe au XIXe siècle semblaient concerner l'actuel. Mickiewicz appartient à l'actuel polonais. Maintenant, Bronislav Geremek, nous allons un peu quitter le domaine de l'analyse, de la réflexion toute théorique pour en venir au souvenir. Je crois que nous sommes maintenant dans un quartier qui vous est cher, à côté de l'hôtel de Soubise, la rue des Francs-Bourgeois, il y a les archives. Et ce quartier vous est si cher que lorsque vous avez été emprisonné, après le coup du 12 décembre 81, qui a mis une fin brutale à l'expérience de solidarité. Lorsque vous avez été emprisonné, vous avez écrit un texte, pour vous, comme ça, je crois, vous allez nous en parler, dans lequel vous évoquiez le Paris qui vous était cher, et notamment ce quartier. Oui, je vous ai dit un jour que, justement, en prison, en sachant très bien que tout ce que je vais écrire va être lu par les autres, Je ne voulais pas écrire des choses sur les problèmes politiques. Je ne pouvais pas écrire sur l'histoire puisque je ne disposais pas des livres ni de notes. Alors j'ai écrit sur mon premier séjour parisien. Me rappeler ce moment-là, c'était pas seulement me rappeler Paris que j'aime, mais aussi me rappeler l'histoire, les livres, les personnages des registres judiciaires. C'est un dépaysement par rapport à l'entourage de la cellule et qui était pour moi un moment de bonheur. Entourage de la cellule, vous étiez avec des droits communs ? Évidemment, parce que dans un pays communiste, il n'y avait jamais de prisonniers politiques. On était, nous aussi, des droits communs. Parce que moi, je voulais renverser par la force, la violence, l'ordre public. Alors, j'étais l'ennemi public. Et j'étais avec des jeunes, des moins jeunes, et qui étaient gentils. certains de mes collègues qui étaient ensemble avec des droits communs avaient des problèmes, même parfois des gros problèmes, étaient battus par les droits communs, etc. Moi, jamais. Au contraire, je peux dire que d'aucune façon, je ne me sentais pas ni humilié, je ne souffrais pas, bien que peut-être l'intention de ceux qui nous ont mis en prison était justement de nous faire souffrir. Parce qu'il y avait ce côté méprisable aussi dans ce côtoyement des droits communs. Mais laissons cela, c'est un peu l'esprit de vieux combattants. Mais quand même, j'aimerais vous faire un peu parler de ce texte. Il fait à peu près combien de pages que vous avez écrit en prison, Bronislav Guéremec ? Eh bien, je l'ai sur moi. Vous voyez, c'est écrit donc, Bronislav Guéremec, fils de Stéphane, puisqu'il fallait toujours dire fils de qui on est, pavillon 3, deuxième section, cellule 21. Et puis le titre que j'ai donné, c'est en écrivant ce titre que je me rappelle ce petit moment de bonheur dans la cellule, ma rencontre avec Paris, mon Paris de 1956. Mais est-ce que vous accepteriez d'en lire en polonais, puisqu'il est écrit en polonais, deux, trois lignes pour qu'au moins on vous entende parler polonais, parce que je suis sûr qu'au cours de cette émission, on va finir par oublier que vous parlez polonais, Bronislav Guéremec. Oui, alors, bon, je peux vous lire la première phrase donc, de ce texte, c'est « Latem tysiądziewięćset 1955 roku skończyłem studia na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskałem magisterium w zakresie historii, zostałem wkrótce przyjęty do Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Je dis donc qu'en été 1955, j'ai terminé mes études à l'Université de Varsovie et j'ai obtenu mon diplôme d'histoire et ensuite j'ai été admis à l'Institut d'Histoire de l'Académie Polonaise des Sciences. Je raconte comment s'est formé l'objet de recherche et comment aussi, je raconte ensuite, j'ai pris la connaissance de l'École des Annales. Une des phrases suivantes, c'est que le premier livre d'histoire médiévale que mon professeur de l'époque m'a donné, c'était La Société féodale de Marc Bloch. Et alors, ce gros livre, les deux volumes, je le lisais encore avec un dictionnaire à côté. Et c'était mon premier contact, ma prise de contact avec l'École des Annales. Ensuite, j'ai lu tout ce que Marc Bloch a écrit. Et il m'est difficile de dire toute influence que Marc Bloch, l'historien, et Marc Bloch, l'homme, a eu sur moi. Mais ce texte, on peut presque dire que c'est la première pierre de ces mémoires que vous craignez de ne jamais avoir le temps d'écrire, non ? Oui, c'est le problème du temps, d'abord. Mais c'est aussi le problème d'un barrage psychologique. J'aime pas beaucoup parler de ma biographie, j'aime pas beaucoup faire ce genre de métier littéraire d'écrire le monde en prenant ma propre personne comme l'observatoire et le centre. J'aime pas beaucoup ça. Né en 1932, 1939, et c'est la guerre qui éclate. Je me rappelle qu'enfant, je n'arrive pas à me rappeler avec qui de mes parents, mais j'ai été près de l'ambassade de Grande-Bretagne, après l'annonce que la Grande-Bretagne est lié par un traité avec la Pologne, déclare la guerre à l'Allemagne, et donc vive la Grande-Bretagne. C'était ma première manifestation politique, je voulais que je me rappelle. Je ne vais pas à l'école, et ça devait être ma première classe d'école, Je ne vais pas à l'école puisque c'est la guerre qui éclate. Mon frère aîné et mon père ont quitté la maison. Et c'est là où j'ai trouvé qu'il faut raconter ce qu'on voit. Et je me suis mis à écrire. Je me rappelle d'avoir rempli un gros cahier de la description du monde que j'observais. Et la première page, elle était consacrée à la description du lion britannique. Comme vous voyez, la séduction de la Grande-Bretagne s'exerçait sur ce jeune enfant d'une façon évidente. À vous parler de cela, je me rends compte aussi que il y a une sorte d'écran dans ma mémoire entre moi, enfant, et moi, l'homme, que d'une certaine façon, j'ai refus souvent de parler de l'enfance, et ce n'est pas un refus conscient, c'est-à-dire, c'est pas que je ne veux pas répondre, je réponds à toutes les questions, mais c'est moi-même qui est incapable de répondre à des questions que je me pose moi-même. C'est une mémoire fermée. C'est une mémoire fermée parce que je suis plein d'admiration pour ceux qui sont capables de décrire l'époque terrible, cette époque de la dernière guerre. Ma description à moi, c'est-à-dire une description que je fais à moi-même, c'est le silence. Je suis incapable de le raconter parce que je suis incapable de raconter ce que je ne comprends pas. Probablement c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être un jour, je comprendrai. Dans ce cas, je serai capable de présenter ces années comme un récit à moi-même et aux autres. Ces années, donc, à partir de 1939, il faut dire que vous étiez donc à Varsovie et dans le ghetto. Mais pour revenir un peu à l'enfant quand même que vous avez été avant cette horreur, je crois qu'il faudrait dire que vous êtes... Alors cette phrase figure, c'est le seul élément biographique qu'on trouve, vous savez, en quatrième de couverture de vos livres. Vous êtes fils de rabbin. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça représentait que d'être fils de rabbin à Varsovie? Est-ce que vous-même, vous auriez pu devenir rabbin? Oui, c'est le problème. Quand on ne raconte pas la vérité, on raconte des choses sur vous qui ne sont pas vraies. Eh bien, mon père n'était pas rabbin. Mon père était instituteur de formation. Et ensuite, c'était un petit bourgeois assez malheureux. J'ai de vagues souvenirs de lui. La dernière fois, j'ai vu mon père quand j'avais 8 ans et demi, je pense. Et l'homme justement très laïque, plutôt avec une sorte de distance à l'égard de la religion, le dernier souvenir que j'ai de mon père, c'est une promenade, c'était lors d'une fête, je ne sais pas laquelle, et où il m'a dit, n'oublie pas que la seule chose qui est importante, c'est de porter la tête haut. On dit, un des préceptes de la religion est dire qu'il faut passer par la vie la tête baissée, ne le fais pas. Alors, vous voyez, c'est la vérité est tout à fait différente. Mais c'est incroyable, comment se fait-il que ce soit quand même écrit parfois par un éditeur qui vous publie en France, vous laissez dire, vous d'où ça vient cette légende, fils de rabbin? Je laisse dire, je ne sais pas, je laisse dire. Il y a même Une de mes conférences publiée en Allemagne, où se m'en présente ma biographie, on dit, fils de rabbin. Alors, que voulez-vous que je fasse un démenti? Ce serait ridicule. Il faudrait que je raconte la vérité, mais je suis incapable de raconter. Alors, attendons un peu, je vais le raconter peut-être un jour, comme ça il n'y aura plus de malentendu. Mais je comprends votre question. Cet enfant précoce, est formé dans une tradition de culture savante, et il pourrait passer, enfin faire le même chemin. Dans ma vie d'enfant, mon grand-père avait une influence énorme sur moi. Une influence énorme, bien que difficile à comprendre, parce que il me faisait venir à la maison. Les rapports de mon grand-père avec mon père n'étaient pas très bons. Mon grand-père trouvait que justement ce jeune homme, pas très attaché à la religion, a séduit sa fille préférée, donc il avait une sorte de rapport distancé à l'égard de son beau-fils. Alors, quand j'allais chez mon grand-père, j'étais toujours seul. Mon père n'y venait pas. Et alors, j'ai passé sur les genoux de mon grand-père des heures et des heures à écouter des choses que je ne comprenais pas, parce qu'il me lisait la Bible, il me lisait l'Écriture sainte, et il me la lisait en hébreu. Je ne comprenais pas. Alors je disais ensuite: mais grand-père, raconte-moi cela, c'est beau à entendre, mais raconte-moi cela. Alors il se mettait à traduire ensuite en polonais l'histoire qu'il me racontait. Je trouvais cette histoire passionnante. Mais ça agaçait un peu mon grand-père, parce que lui, il me racontait la culture sainte. Et moi, je trouvais là-dedans des histoires humaines, des histoires qui me fascinaient, me passionnaient. Voilà, c'est l'enfance dont je ne parle pas, c'est le souvenir de mon grand-père et de l'Écriture sainte qu'il me racontait. C'est les souvenirs de mon père qui me disait que je dois passer par la vie la tête haute. Mais ce sont des souvenirs qui, si vous voulez, qui ne font pas partie de ma biographie. Il y a dans ma mémoire, il y a des ruptures. Là, mon père est mort à Auschwitz, et je peux dire que je ne le connaissais pas. Mon grand-père est mort dans les ghettos de Varsovie, de typhus, je crois, et je ne peux pas dire que je le connaissais, parce qu'il appartenait à une culture dont la valeur, les contenus me sont restés étrangers, ne m'ont pas formé. Je les découvre en homme adulte. Mais dans ma mémoire, si vous voulez, il y a une coupure. Je ne sais pas. Est-ce que cela m'a formé ou non? Mais il y a un document qu'a présenté jadis la télévision française. C'est Romain Gary se rendant à Varsovie dans les années 60, et tout à coup redécouvrant Varsovie et bafouillant sous le coup de l'émotion, à la fois en russe et en polonais, mais il manque les juifs. Et tout à coup, Romain Gary ne pouvait plus supporter Varsovie à cause de cette béance. Vous-même, vous étiez très jeune, mais est-ce que vous vous souvenez de l'apport extraordinaire de la culture juive à Varsovie, où vous viviez? Est-ce que, par exemple, vous parliez yiddish? Est-ce que vous alliez dans tous ces théâtres juifs qui peuplaient Varsovie? Vous vous souvenez un peu de tout cela? Je ne sais pas un mot d'yiddish. Et jamais de ma vie, je ne connaissais pas cette langue. Et j'étais formé dans une culture chrétienne, catholique. Et, si vous voulez, l'homme tel que je suis, puisque l'homme, c'est une mémoire. Et en plus, une connaissance. Et tout ce que je sais sur l'immense apport de la culture juive à la Pologne, je l'ai sais par la connaissance, pas par la mémoire. Ce n'est pas vécu. Et ce qui compte pour moi, c'est que les Juifs faisaient partie du paysage culturel polonais et cette cohabitation dramatique entre les Juifs et les Polonais, ou les Polonais juifs et les Polonais chrétiens, est pour moi un problème intellectuel, mais jamais un problème vécu. Alors, vous me posez des questions auxquelles il m'est difficile de répondre. Je ne sais pas comment ça se fait que cette période de ghetto, la sortie de ghetto, avec celui qui, après la mort de mon père, et a marié ma mère et est devenu mon père adoptif, et avec lequel j'ai passé toute la vie, et l'homme que je connaissais. Dans la biographie, il y a des points de repère. Père, mère, et bien père, pour moi, c'est mon père adoptif avec lequel je passais ma vie. Mon père, c'est un père imaginaire, parce qu'il y a une partie de ma mémoire qui me semble toujours fermée, qui n'est pas découverte devant moi. Alors, vous me posez des questions qui ont une énorme importance intellectuelle, mais pas biographique. Vous êtes resté dans le ghetto de Varsovie jusqu'au bout ? Jusqu'à la fin de 1942. Ensuite, enfant, et j'y suis passé. J'étais encore dans ce qu'on appelait les petits ghettos. J'ai travaillé comme ouvrier avec ma mère dans une usine allemande, et ensuite on a réussi de me faire passer de côté, comme on disait, du côté aryen. Les cimetières juifs se trouvaient en dehors de ce petit ghetto, et alors pour que l'enterrement puisse se faire, il fallait que le cercueil quitte le ghetto, passe par les rues ariennes. Alors il était possible, en profitant de cette occasion, de se sauver et de ne pas rentrer au ghetto. C'était mon cas. Vous avez profité d'un enterrement ? J'ai profité d'un enterrement, c'est-à-dire il fallait qu'il y ait des amis de l'autre côté qui arrangent cela pour que un enfant ne reste pas seul. Il y avait des amis qui m'ont accueilli. Plus tard, après plusieurs mois, après 6 mois, je crois, ma mère a réussi aussi de quitter le ghetto. Et le reste du temps, jusqu'à la fin de la guerre, j'ai passé dans une petite ville avec ma mère, dans une petite ville polonaise. Oui, ce que vient de dire Bolonek ne m'étonne pas. Jacques Le Goff. Je crois qu'il faut que je rappelle, bien qu'il ne soit pas question de moi, comment nous nous sommes rencontrés, comment nous nous sommes connus. C'est en 1959, j'allais, en tant qu'historien, envoyé par l'École des hautes études, et plus particulièrement par Fernand Braudel, pour prendre contact avec les historiens polonais, pour faire quelques conférences. Et on m'a donné, comme on le faisait habituellement, dans un pays dont je ne parlais pas la langue, pour guide, un jeune historien. Et ce guide, c'était Bronisław Geremek. En 59, donc, j'avais 35 ans, et il en avait 27. ce n'était pas une différence d'âge insurmontable. Et comme il a eu la gentillesse, parce qu'il a fait en définitive plus que son devoir, que ce qu'on lui demandait, de m'accompagner, je suis resté 3 semaines en Pologne, presque partout, nous sommes devenus vraiment très vite, ça s'est fait très naturellement, des amis extrêmement proches. Et par la suite, cette amitié n'a fait que se renforcer. J'ai noté très rapidement qu'il ne me parlait pas de sa jeunesse. Et je peux dire qu'encore aujourd'hui, il ne m'en a pratiquement pas parlé. Il y a fait des allusions dont probablement l'ensemble est plus court que ce qu'il vient de dire. Pourquoi cette sorte de censure sur son passé? J'y vois beaucoup de choses à la fois personnelles et collectives. Personnelles, il est clair que Bronek a beaucoup de pudeur sur lui-même. Et puis, même si son cas est comme celui de tout individu, un cas particulier, c'est certainement le cas de ces très nombreuses personnes dans le monde d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a beaucoup de juifs parmi eux, mais pas seulement des juifs, qui, je ne sais quel terme employer, s'interrogent, est un mot faible, qui vivent, si je peux dire, ce que l'on appelle la quête d'identité. Identité collective, identité personnelle. Et là, vous le voyez, ce sont des choses tellement troublante que la plupart de ces personnes ont commencé leur vie, en général, intégrée dans le pays où elles vivaient, tout en sachant et en conservant quelques particularités. Mais Bronisław Geremek était un juif polonais intégré et qui se sentait d'abord comme polonais. Et il a bien dit comment ce grand-père qu'il aimait, ce grand-père qui lui lisait ce que lui apparaissait comme de belles histoires, appartenait à une culture qui n'était déjà plus la sienne enfant. Et puis, voilà que la guerre, le nazisme, dans ce monde où l'on dit que les Polonais sont antisémites. C'est une affaire très compliquée dans laquelle je n'entrerai pas. Mais il y avait plus qu'un modus vivendi entre les Polonais juifs et les Polonais non-juifs. Il y avait plus qu'une coexistence. Tout d'un coup, ces gens-là s'aperçoivent que probablement, ils ne sont pas intégrés. Et comment se fait-il que on leur impose de l'extérieur une image de particularisme, de spécificité et de spécificité honteuse, alors que eux se sentent toujours comme appartenant à cette communauté plus générale de Polonais. C'est une chose que je peux dire, et qui m'a beaucoup frappé tout de suite chez Bronek, et je suis sûr que ça sont des choses qui viennent de l'enfance, c'est le patriotisme polonais. Bronisław Geremek, vous aviez 7 ans quand la guerre éclate, et vous en avez 13 quand elle prend fin. Vous êtes alors quasiment un adulte. Quand j'avais 13 ans, j'étais adulte. Adulte à cause de l'expérience vécue, et aussi à cause du monde imaginaire que j'ai créé autour de moi. Et je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Et donc je me suis formé par moi-même et surtout par les lectures. Et il fallait seulement ensuite que j'apprenne les mathématiques, la physique, la biologie. La biologie, je le savais un peu. Mais en fait, toute ma formation était une formation livresque. J'apprenais le monde par les livres. Et ça crée un homme adulte, parce que, si vous voulez, l'homme adulte, c'est l'homme qui est devant des choix et qui prend seule la décision. Je prenais seule ces décisions, qu'est-ce que j'ai à lire, qu'est-ce que je veux lire, et ce n'est qu'ensuite, à partir de 1945, que je suis allé à l'école, donc je n'ai fait que 3 ans. 3 ans, enfin oui, un peu plus. Oui, parce qu'ensuite, j'étais pendant une année malade, j'avais la tuberculose, et j'ai passé donc une année au SANA, où de nouveau, si mes souvenirs sont bons, j'ai donné des leçons de mathématiques à une jeune fille. Alors, la chose que je ne comprends pas, la jeune fille, je comprends, mais la chose que je n'arrive pas à comprendre, comment j'étais capable de donner des leçons de mathématiques. Je me rappelle cela puisqu'un jour, parmi mes livres, ou plutôt les livres que mon fils a emportés de ma bibliothèque, j'ai trouvé tout d'un coup les 3 mousquetaires de Dumas avec une phrase de dédicace en souvenir des leçons de la pure mathématique. Pure voulait dire quelque chose, mathématique, ça m'étonne quand même comment j'étais capable de le faire. Mais il faut dire que j'ai. Il faut penser que j'ai rattrapé. C'est peut-être un langage extrêmement codé, mais vous avez perdu le code. J'ai perdu en moitié le code. Mais 3 ans vous auront suffi à apprendre, à tout apprendre. Enfin, par exemple, les langues étrangères, c'est assez fascinant parce que vous parlez, je crois, très bien l'anglais, vous parlez le français, vous avez appris le latin. Était-ce à ce moment-là, pendant ces 3 ans de frénésie scolaire? Oui, le latin et l'allemand. Parce que, en fait, c'était ces deux langues-là que j'essayais d'apprendre par moi-même et puis à l'école. Le français est venu tard. Et c'est quand je suis revenu à Varsovie, je suis revenu à Varsovie en 1948, seul. Au début, puisque ma famille était ailleurs. Le ailleurs, vous ne le définissez pas. Parce que vous disiez petite ville, pendant la guerre. Enfin, vous préférez ne pas dire où c'était? Bon, alors, 1943-45, je me trouvais dans une toute petite ville, au bord de la Vistule, charmante, qui s'appelle Zavichost, où il y avait quelques milliers d'habitants. Avant la guerre, la moitié de la ville était juive, il y avait un grand quartier juif. Moi, je suis arrivé après la liquidation du ghetto de cette petite ville, et c'était le centre de la résistance anti-allemande. Je me rappelle encore, c'était en 1943 ou 44, à Noël, les Allemands ont brûlé la moitié de la ville, et la chose qui, grâce à quoi je me rappelle cela peut-être, c'est qu'il chantait Tannenbaum, Tannenbaum, à côté d'une ville qui brûlait, à côté des cadavres dans les rues. Ensuite, 44, je suis allé dans une autre petite ville qui s'appelle Ostrowiec, qui est un centre industriel près de Kielce, entre Varsovie et Cracovie. Et ensuite, on m'a envoyé à la campagne, dans la famille de mon père adoptif, qui est d'origine paysanne, et toute la famille est paysanne. C'est là où j'ai passé plusieurs mois à pâtre les moutons et à lire des livres. Et ensuite, mon père, qui était fonctionnaire, travaillant dans l'administration publique avant la guerre et qui a repris ce poste, a été nommé sous-préfet dans une petite ville toujours, qui s'appelle Pskova, sur les territoires de l'ouest de Pologne, sur les terres retrouvées, avec où une nouvelle administration polonaise s'est formée. C'est là où je suis allé, pour la première fois de ma vie, à l'école. C'était vers Wrocław ? Et c'est pas loin, puisque ça appartenait longtemps à la Silésie, maintenant ça appartient à la Grande-Pologne, c'est à la frontière entre la Silésie, la Basse-Silésie de Wrocław et la Grande-Pologne de Poznań. C'est justement à la frontière, c'est une ville qui maintenant appartient à la Grande-Pologne. Et c'est de cette ville que je suis arrivé, 1948, à Varsovie, pour continuer mon école. C'était déjà après l'année passée au Sana, et deux dernières classes du lycée, c'est à Varsovie que je les ai faites, et j'ai eu la chance de trouver dans ce lycée une femme professeure du français qui était une Française. Et elle m'a donné le goût, non seulement de la langue, mais aussi de la culture française. Je crois que pour ma formation, c'était très important. Vous aviez décidé d'apprendre l'allemand, disiez-vous tout à l'heure, pendant ces 3 ans d'études. Ça vous a été difficile de vous mettre à cette langue, ou ça n'avait rien à voir avec la terreur nazie que vous aviez subie ? Mes rapports avec l'Allemagne, les Allemands et la langue allemande resteront pour toujours des rapports difficiles. J'ai des amis en Allemagne et j'aime beaucoup la littérature allemande. Mais il y a quelque chose d'assez significatif dans le fait que j'ai perdu mon allemand aussi facilement que je l'ai appris. Mon fils, comme tous les jeunes Polonais, est passé par plusieurs années de russe. Il est incapable de dire une phrase en russe. Il est incapable de lire une phrase, comme tous les jeunes Polonais, qui très souvent ont derrière eux 7 ans de l'étude du russe. Je crois que dans mon cas, c'était différent, mais c'est aussi psychologique. C'est une barrière psychologique qui est réapparue. Et là, je me rappelle quand la première fois j'ai eu le contact avec l'Allemagne, et pas avec les Allemands, c'était en 1956, l'avion allant de Varsovie à Paris est descendu à Berlin. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu la langue allemande et j'ai revu les uniformes Feldgrau. Mes souvenirs de la guerre sont revenus et c'était assez dramatique et traumatisant. Quand maintenant je le contacte avec l'Allemagne, avec la langue allemande, il n'y a aucun barrage psychologique. À 7 ans, vous vous voyez encore écrivain. À 15, 16, 17 ans, c'était terminé ? Je savais que je ne pourrais jamais décrire ce que j'ai vécu. C'était une décision délibérée. Et là, je le regrette, peut-être maintenant, je le dis avec un certain regret, mais c'était une décision consciente de cet enfant vieilli trop tôt et qui a pris cette décision de ne pas devenir écrivain. Je ne savais pas qu'est-ce que je vais devenir. D'habitude, quand on est à l'école, on a des rêves. Mon seul rêve, c'était d'être écrivain, et ma seule décision prise par moi-même, ou la première décision, c'était de ne pas devenir écrivain. Et c'est de ce fait que, quand j'ai terminé l'école, j'étais ce qu'on appelle dans les écoles polonaises primus, c'est-à-dire le premier, j'avais les meilleures notes possibles, et donc j'avais droit, sans examen d'entrée, de choisir la faculté que je voulais. Et je ne savais pas laquelle. Et il faut choisir. Trop de choses me tentaient. Et alors c'est ma mère qui a choisi et qui est allée porter mes papiers à la faculté de médecine. Pendant 4 ou 5 jours, j'étais étudiant en médecine. Mais ensuite, j'ai pris ma décision à moi et j'ai changé. J'ai transféré mes papiers de la faculté de médecine à la faculté de lettres et j'ai commencé mes études en histoire. Mais c'est pour vous dire justement que je n'arrivais pas à me faire une place dans le monde, à voir ce que je veux faire et que derrière cela, il y avait cette conscience d'une crise générale. J'ai embrassé cette nouvelle foi communiste par le biais de l'expérience occidentale, par la littérature communiste française. Je lisais les lettres françaises, je lisais Éluard et Aragon, et la vérité sur les partis des fusillés, tout ça ce que j'apprenais et qui allait ensemble avec ma vision du monde, de ce monde que je connaissais par la lecture, le monde de l'Occident. Et il me semblait presque logique que ce monde est terminé et que le communisme ouvrait un monde nouveau. Eh bien, si j'étais un observateur plus attentif aux réalités polonaises, ce serait une telle décision serait difficile à prendre puisqu'il n'y avait pas de ma part, le facteur de faire la carrière, d'entrer dans une carrière politique quelconque. Non, mon monde à moi, c'était toujours, et c'est jusqu'aux années 70-80, c'était le monde des livres. Et cette vérité du communisme que j'ai embrassée était une vérité des livres. Le passage s'est fait très facilement. Vous êtes une des grandes victimes d'Éluard, alors. Une des victimes, peut-être, de ses lectures. Mais finalement, je vais vous dire une chose qui peut vous choquer. C'est que d'une certaine façon, je n'ai pas honte de la décision que j'ai prise étant jeune d'embrasser cette foi communiste parce que je l'ai faite pour la même raison qui ont fait qu'ensuite, en 1968, j'ai quitté le Parti communiste. Alors, si vous voulez, je peux avoir honte de ma stupidité, du fait que je ne comprenais pas ou que je ne connaissais pas, mais si j'essaie de faire un jugement de valeur sur moi-même. Les deux décisions se valent, celle d'adhérer au parti et celle de le quitter. Et des deux, je n'ai pas honte. C'est un homme qui a des amnésies personnelles et domestiques et qui devient historien. C'est un homme qui est un survivant du ghetto, qu'il a quitté juste avant l'insurrection, et qui s'attaque à l'histoire des exclus, de ceux qui n'auraient pas eu d'histoire sans lui. Mais bien sûr, là, nous avons très précisément l'intime liaison entre la quête d'identité et la mémoire. Et il n'y a pour moi aucun doute que cet historien a senti, même si ce n'est pas immédiatement perceptible dans son œuvre, a senti ce besoin de travailler en historien sur la mémoire. Et ce travail était le double travail de l'historien et de l'homme sur sa propre vie. Et très tôt, il s'est donc dirigé vers les exclus dans l'histoire. Et visiblement, c'était une façon de répondre à sa quête personnelle. Comment, pourquoi est-on exclu ? Alors, il a commencé dans la période où il était marxiste. Il n'a jamais été marxiste dogmatique, Dieu merci. Mais je dirais marxiste relativement orthodoxe, ce qu'il a cessé d'être assez rapidement. Il a cherché des exclus qui convenaient en même temps au cadre marxiste. Et il a donc trouvé les premiers prolétaires du Moyen-Âge. Ce sont ces ouvriers salariés parisiens à qui il a consacré son premier livre, qui a été traduit en français et qui a profondément marqué les études médiévales. Parce que c'est d'une des plus remarquables études d'histoire sociale, au sens large du mot, et qui le poussait vers ce qui allait passer au premier plan de ses réflexions, le côté d'exclu de ses salariés. Il passait du côté d'opprimé, qui était l'essentiel de la vision marxiste, à l'idée d'exclu, qui était sa propre vision. Et je crois qu'on n'est pas bon historien si on n'est pas capable de sentir palpiter la vie dans le présent et dans le passé. Et chez Bronek, j'ai senti palpiter la vie, parce que il y a ces sortes de frissons de mémoire. Stanislav Geremek, nous sommes maintenant devant l'église Saint-Merry. L'église Saint-Merry à Paris, ça ne dit pas grand-chose à pas grand monde, parce que c'est à côté du centre Pompidou, de l'IRCAM, et que dorénavant, et désormais plutôt au XXe siècle, c'est le quartier Beaubourg. Mais Saint-Merry, c'était un quartier extrêmement important au Moyen-Âge, et j'aimerais que vous nous parliez un peu de ce quartier, que vous nous disiez ce qu'on y aurait trouvé, mettons au XIVe siècle, objet de votre étude. Oui, le quartier Saint-Merry, au XIVe siècle, c'est pour moi tout de suite la querelle, le litige entre la paroisse, le curé de l'église, les paroissiens, les habitants, et les prostituées de ce quartier. Je le trouvais aux Archives nationales dans un registre de justice. Les prostituées, comme on disait au Moyen-Âge d'une façon plus belles, les filles de joie, ou bien dans le langage ecclésiastique, les femmes folles de leur corps, avaient ici leur quartier général. Et les paroissiens et l'église n'étaient pas contents du fait que l'église se trouvait presque entourée par ces maisons qu'on appellerait plus tard maisons closes. Les filles de joie de ce quartier ont eu un très bon avocat qui, devant la cour parisienne, les défendait en disant que elles font un métier utile, un métier qui est nécessaire. Elles cherchent à ne pas empêcher les services divins. Au contraire, elles font un certain effort pour aider l'Église. et elles sont des filles très attachées à l'église Saint-Merry. Oui, c'est un procès qui est pittoresque pour un lecteur de maintenant, mais c'est un procès qui permet de découvrir les réalités de la vie médiévale. C'est saint Thomas d'Aquin qui a présenté le problème d'une façon théorique. Est-ce que une fille de joie a droit à son salaire? Et il y a tout un développement où saint Thomas déclare que c'est peut-être pas très beau que l'homme a besoin de tels services, mais l'homme est un pécheur et il vaut mieux donc qu'il y ait des femmes qui font ce métier-là, et puis puisqu'elles font ce métier-là, elles ont besoin de vivre et elles ont donc droit au salaire comme tous les autres. Voilà, l'église Saint-Merry, quartier Saint-Merry, ça me rappelle tout de suite une pièce de dossier, une pièce d'archive. Dans un tel centre, on avait besoin donc de ces services aussi. D'abord, pour une population ouvrière qui était une population de célibataires, pour le port, les marins, mais aussi pour l'université, parce que l'université, à l'époque, c'était une institution cléricale. Et il y avait dans tous les centres où il y avait cette population cléricale, il y avait les filles de joie, tout un service professionnel des filles de joie. Comment elles exerçaient ce métier, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait des catégories différentes. C'était une sorte de stratification sociale, professionnelle. Il y en avait donc des filles de joie qui desservaient la cour royale, c'était l'aristocratie de ce métier qui était le mieux payé et qui disposait aussi de logements très bien situés. Dans un registre judiciaire aussi, j'ai trouvé des plaintes d'une prostituée habitant la rue des Lombards, tout près d'ici, qui, quand elle allait à l'église, elle demandait à sa domestique de porter devant elle un livre d'heures très beau, un manuscrit très beau. Et alors, les bourgeois se sont plaints qu'elle fait semblant d'être une petite princesse. Et la raison pour laquelle on a demandé au XIIIe siècle que les filles de joie portent un signe spécial, comme les lépreux, comme les juifs, c'est pour qu'on puisse les discerner. Et on disait qu'à l'église Notre-Dame, à la cathédrale, une fois, une des reines de France, au moment de passer le baiser de paix, sans le savoir, a embrassé une fille de joie. Alors, pour que la chose ne puisse pas se répéter, on demandait que ces filles de joie portent un signe particulier. Alors, revenant à cette professionnalisation, cette stratification professionnelle, dans les quartiers où nous sommes, les filles de joie faisaient leur métier dans l'arrière-boutique, c'est-à-dire c'était derrière les ateliers d'artisans ou derrière une boutique qui faisait du commerce, il y avait des petites chambres. Et c'était dans ces chambres-là qu'elles pratiquaient ce métier. Entre les filles de joie de ce quartier-ci et les filles de joie qui desservaient les cours princières et la cour royale, il y avait des différences de statut social. Moi, l'historien des pauvres, l'historien de Gueux, le monde qui m'intéressait le plus, c'était pas ceux qui étaient à l'intérieur de l'église, mais surtout ceux qui attendaient devant l'église. Ils attendaient les uns, les mendiants, une aumône, les autres, les ouvriers, une embauche. On peut dire que la stratification sociale avait une expression dans l'architecture elle-même. Quand on arrive à voir qui est-ce qui habitait les maisons, comme les maisons de quartier où nous sommes, on s'aperçoit qu'au premier étage, c'était les grands bourgeois. Au deuxième étage, les artisans aisés, bien situés. Mais il y avait le troisième étage. Et ce troisième étage, c'était des chambres toutes petites dans lesquelles étaient entassés les ouvriers. Je cherche dans la maison en face de laquelle je suis les ombres de ceux dont la vie me passionnait. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas de source de revenus, qui doit travailler de ses mains. Et on peut dire que tout d'abord, la plus grande masse de ces gens dans la population parisienne, c'était les prolétaires, les pré-prolétaires, ceux qui louaient leurs bras. Mais il y avait aussi d'autres, et c'était ceux qui ne travaillaient pas, qui refusaient de travailler, les vagabonds. En 1956, quand je suis arrivé donc la première fois à Paris, j'y suis arrivé au moment où un sociologue parisien présentait sa grande thèse sur le clochard parisien. J'étais absolument fasciné par cette thèse, ce livre, un livre qui s'est avéré faux empiriquement, parce que le clochard racontait à ces sociologues des choses qui n'étaient pas vraies. Il racontait ce qu'il voulait entendre. Et un de ces clochards, professeur du lycée de son métier, avant de devenir clochard, a écrit une lettre au Monde en disant tout le matériel empirique dont se sert le sociologue est absolument faux. Je peux vous décrire, messieurs X, messieurs Y, quelle est la vraie vie, le vrai destin. Tout était faux. Tout était faux. Mais l'image générale et de mon point de vue, était vraie. L'image générale des milieux, de la présentation de destin des individus qui refusent la vie sociale, qui refusent de participer, eh bien là, j'ai trouvé non seulement l'explication de l'existence des clochards que je croisais en passant par ces quartiers ou dans les quartiers latins, mais j'ai retrouvé aussi mes vagabonds du XIVe siècle. Parce que de quoi dispose un historien du Moyen-Âge? Il ne dispose pas ni de déclarations sociologiques, c'est-à-dire qu'il pourrait être participer dans une enquête, mais il dispose surtout des témoignages des adversaires. C'est la justice qui disait de quelle façon la société organisée doit combattre les dangers du vagabondage, comment on doit interdire le non-travail. Et tout d'un coup, je découvrais donc ceux qui ne travaillaient pas parce qu'ils ne trouvaient pas du travail ou bien parce qu'ils refusaient de travailler. Le passage d'un document judiciaire à l'existence humaine n'est pas facile. Ce que je savais, ce que je pouvais savoir par les documents, c'est que la société ressentait comme un danger l'existence des gens qui refusaient de participer dans la division du travail, pour employer un terme savant. Et la question que l'historien se pose, pourquoi ce pauvre vert était ici dans les rues en refusant de travailler? D'abord, parce que c'était les immigrants venus de la campagne et qui refusaient ou ne pouvaient pas passer par ces canaux de socialisation qui étaient à l'époque l'apprentissage dans le métier, ou bien qui trouvaient tout d'un coup une possibilité de vivre d'une façon facile, de gagner beaucoup d'un seul coup, par une action criminelle, par un vol, ou bien par un travail saisonnier. En fait, les crimes et le travail saisonnier faisaient partie de l'existence de ces gens que je dont les traces je retrouvais dans les registres judiciaires. Il m'est difficile en quelques mots présenter ces milieux sur lesquels j'ai travaillé pendant de longues années. Mais ce que je voudrais ajouter à cette fresque rapide, c'est qu'il y avait sorte de crime organisé, nous disons, dans la société moderne. Ce crime organisé, c'était le groupe utilisant le langage du milieu criminel, c'est-à-dire l'argot, le jargon, comme on le disait au XVe siècle. L'emploi du jargon allait ensemble avec l'emploi des outils du vol spécialisés, des outils professionnels. Et ce milieu-là avait aussi une sorte de topographie. C'était un milieu fermé, qui s'enfermait par lui-même dans certains ghettos qu'on appelait les cours des miracles. Pourquoi les cours des miracles? Parce que c'est dans cet endroit-là que s'opéraient les miracles, qu'un homme saint devenait tout d'un coup boiteux, malade, gravement malade des paralysies ou d'autres mots médiévaux, pour obtenir une aumône, pour mendier, il ne suffisait pas d'être pauvre. C'était l'opéra de 4 sous au Moyen-Âge. C'était l'opéra des 4 sous au XIVe siècle. Et je crois que Paris, par le fait que c'était la grande ville, et peut-être la plus grande ville médiévale, présente ce crime organisé où la mendicité contrefaite côtoyait avec le crime et aussi avec le travail. Le monde du travail était imprégné du crime, et on peut dire que la notion que l'historien et le démographe Louis Le Chevalier a employée à propos de Paris du XIXe siècle, classe laborieuse et classe dangereuse, correspondait très bien à cette population parisienne de la fin du Moyen-Âge. Vous avez eu l'impression que, nous parlions de Louis Chevalier pour le XIXe siècle, que pour la fin de l'époque moderne, Arlette Farge a repris un peu ces travaux que vous aviez lancés pour le Moyen-Âge? Ah oui, dans des études absolument fascinantes, et en disposant d'une documentation beaucoup plus riche que celle que je pouvais trouver pour le Moyen-Âge. Pour le XVIIIe siècle, il y a d'abord des archives de justice qui sont plus riches, bien que Paris dispose des archives de justice les plus riches pour l'époque médiévale, pour l'Europe, en Europe. Mais pour le XVIIIe siècle, il y a d'une part donc les archives de justice, il y a les archives hospitalières, et il y a aussi les descriptions littéraires. Il y en a peu pour le Moyen-Âge. Oui, Sébastien Mercier. Voilà. Moi, je ne disposais pas de Sébastien Mercier, je disposais tout de même de François Villon. Écoutez, Bronislav Grec, merci beaucoup. Ce qui est très curieux, on sentait quand même que je vous poussais à vouloir faire du narratif, du descriptif, à vouloir faire de vous, mettons, une dame bourrin, et vous y êtes refusé parce que vous faites partie de l'école des annales, et c'est très bien comme ça. Bronislav Guérémec, nous sommes maintenant à la Bibliothèque nationale, un des hauts lieux des études historiques. Et nous entendons là des gens qui passent, qui sortent de la grande salle de lecture. Et nous allons nous rendre du côté de chez l'administrateur général, le temps que vous nous expliquiez ce que représente ce lieu pour vous. Depuis combien de temps le hantez-vous? Voilà, pour moi, c'est le temple du livre. Depuis 1956, lui vient. Combien de jours ai-je passé? Je n'arriverai même pas à faire les calculs. Mais il me semble que pour moi, la Bibliothèque nationale, c'était toujours la source de toutes mes connaissances. La plus grande bibliothèque. Et aussi, c'est presque symbolique pour moi, c'était la source où je trouvais tout. Et puis, j'avais l'occasion de travailler dans d'autres bibliothèques. Je ne vous cacherai pas que les bibliothèques américaines sont beaucoup mieux, beaucoup plus accueillantes. Par exemple, l'idée n'est jamais venue d'aller chercher des livres ici sur les rayons. Tandis quand j'étais à Washington, on me laissait entrer dans la bibliothèque du Congrès et même on me laissait emporter des livres à la maison, parfois des livres du XVIe et du XVIIe siècle. L'idée ne serait pas venue de le demander. Mais maintenant, à l'administrateur général que je connais, parce que j'ai une attitude un peu naïve, enfantine, enfin, la Bibliothèque nationale, c'est quelque chose de sacré pour moi. Eh bien, vous avez parlé de ce lieu un peu sacralisé où on ne touche pas aux livres. Là, nous allons aller dans le Saint des Saints. C'est le bureau de l'administrateur général, Emmanuel Leroy-Ladurie, que nous allons peut-être saluer au passage, et où nous allons retrouver Bernard Guetta. Bernard Guetta, qui est donc journaliste, ancien correspondant du Monde à Varsovie, et qui peut mériter ce titre d'historien de l'instant, peut-être. Voici maintenant donc dans le bureau de l'administrateur général, au milieu de livres anciens, de chaises antiques qui grincent un peu. Et nous avons réuni deux vieux complices, presque de l'ancien régime, donc Bronislav Geremek et Bernard Guetta, qui était, avant d'être correspondant à Washington puis à Moscou, qui était correspondant en Europe centrale, puis à partir d'août 80, je pense, à Varsovie même. Et qui faisait le voyage entre Varsovie et Gdansk. Et j'aurais voulu que vous nous disiez un peu comment vous avez pu travailler, entre guillemets, avec Bronislav Geremek, qui, comme on le sait, venait de s'engager dans ce mouvement de solidarité. Est-ce qu'il a été un informateur de premier plan? Comment ça se passait? Est-ce que vous pouviez vous voir? Oh oui, écoutez, je crois qu'on peut le révéler maintenant, si tant est que ce soit un secret. Il est évident que Bronek, puisqu'après tout je l'appelle Bronek, autant le faire ainsi au micro, a été un informateur, si j'ose dire, un informateur privilégié. À certains moments, on m'a même reproché de trop prendre mes informations auprès. Je ne parle même pas des autorités, qui évidemment dénoncer cette hérésie et ce scandale permanent, mais des autres courants ou autres personnalités de solidarité qui étaient, je crois qu'on peut le dire, Bronek, un peu jalouse d'une relation légèrement privilégiée, dans la mesure où il est évident que le compte-rendu au jour le jour qui était fait dans Le Monde façonnait, ou en tout cas contribuait beaucoup à façonner l'image de solidarité, l'image de ce mouvement à l'étranger. Et beaucoup donc des autres dirigeants de solidarité m'ont dit, je ne sais pas si je vous l'avais déjà révélé, mais enfin, m'ont dit à l'époque, enfin, ça suffit, quoi, viens nous voir, nous aussi. Mais vous savez, premièrement, l'historien, pas de l'instant, le vrai, je veux dire, Bronislav Geremek, savait véritablement beaucoup, beaucoup de choses sur ce qui se passait à l'époque. Il savait beaucoup de choses sur ce qui se passait, évidemment, au sein de la direction de solidarité. Il savait aussi beaucoup de choses, pas tout, mais vraiment beaucoup de choses, sur ce qui se passait à l'intérieur de la direction du parti, parce qu'il était, par moments, chargé par Wałęsa de certains contacts avec les autorités en place. Il fallait bien discuter. Et donc, il y avait un écho qui était extraordinairement riche. Et puis, je crois qu'aussi, tout simplement, on se comprenait très bien. Et dans la relation entre un journaliste et l'informateur, il faut avoir la confiance entre les deux hommes. Ils pouvaient me dire des choses 15 jours à l'avance, je crois, parfois, que j'ai jamais trahi le secret. Et puis, pour avoir la confiance de la part du journaliste, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était, pour ma part, plus qu'entière et plus que totale. Tout d'abord, il est difficile de raconter l'atmosphère du chantier naval Gdansk. Chantier naval en guerre, qui pouvait d'un jour à l'autre se transformer dans une vraie guerre, une guerre civile. Et dans ce chantier naval, beaucoup de journalistes. En fait, la grève au chantier naval avait son importance tout d'abord parce qu'elle avait une couverture qu'aucun autre événement de ce genre n'avait pas. Et puis, cette foule des journalistes devant les salles où se réunissaient les comités de la grève, où il y avait des rencontres entre les représentants du comité de la grève et les représentants des autorités, c'était, je ne sais pas comment le dire un peu, c'était la liberté. Tout d'un coup, la liberté retrouvée, bien que la Pologne avait plus de liberté que plusieurs autres pays et plus de liberté que l'Union soviétique. Mais quand même, cette présence immédiate à l'intérieur du chantier naval de la presse occidentale avait une importance énorme. Mais je ne cacherai pas que pour moi, ce rapport avec la presse était un moyen d'action aussi. Il y avait certaines choses qui entraient dans le plan de notre action. Si on voulait que la grève réussisse, il fallait que l'Europe la comprenne bien. Et il fallait donc qu'on sent une sorte de solidarité avec ce mouvement qui devait ensuite prendre le nom de solidarité. Mais dès le début, solidarité, c'était le mot-clé au chantier naval. Le 13 décembre 1981 était d'une certaine façon inattendu. Et puis, c'était dans la logique des choses. On peut dire que dès les débuts, nous avons pensé que le scénario logique, c'est cette fin-là. Mais nous avons tout fait, nous avons travaillé contre la réalisation de ce scénario qui semblait tellement logique. Et puis, quand le moment est arrivé, et on a été prévenu. Le 13 décembre, il y avait la réunion du comité national de Solidarność, et tout d'un coup, à 6 heures de l'après-midi, il y avait des informations qu'il y a des mouvements de la police et de l'armée suspects. Ensuite, on nous a coupé les téléphones, ensuite tous les téléx, et puis on nous dit que les journalistes étrangers n'ont plus de contact avec la rédaction. Et alors Valéja dit, vous voyez, nous disputons sur des problèmes secondaires comme est-ce qu'il faut former tout de suite un gouvernement provisoire ou non. Alors, vous voyez le drame, c'est qu'au moment où tout était mis, où toute la machine de l'État communiste était mise en marche déjà, dans ce syndicat Solidarność, l'irrationnel semblait prendre le haut. Alors, le 13 décembre était inévitable? Je ne le crois pas. Je crois qu'en travaillant contre ce qui semblait inévitable, nous avons eu une chance. Et cette chance n'était pas tuée par Solidarność. Ce n'est pas Solidarność qui l'a anéanti, mais par la décision du général Jaruzelski. Je crois que la façon dont le général Jaruzelski a réalisé le coup d'État, c'est autre chose. Mais la décision, la prise des décisions, c'est une responsabilité historique. C'est un homme qui avait intégré la lâcheté nationale. C'est un homme qui était l'incarnation de ce que nous appelons en France le péténisme. C'est-à-dire, dans la mesure où de l'autre côté, ils sont plus forts, il n'y a pas moyen de résister. Et puis il y a un autre courant dans l'histoire qui s'appelle le gaullisme, qui dit, bah oui, c'est vrai, ils sont plus forts, mais on commence. Il y a la puissance du verbe, il y a la puissance de la mobilisation, il y a la puissance de la dénonciation. Il y a, bref, vous savez, un mot fondamental en histoire et surtout en politique, le volontarisme. Et pour ma part, si j'ai tellement aimé Solidarité, puis Gorbatchev après, si j'ai tellement aimé Solidarité, c'est parce que c'était un mouvement à la fois volontariste et intelligent. Mais alors, au jour du triomphe de cette lâcheté nationale, vous, Bernard Guetta, vous vous précipitez dans la vieille ville de Varsovie à deux pas du... Non, c'était à Gdansk. On était tous à Gdansk. C'était à Gdansk. C'est la réunion de la commission nationale de Gdansk. Nous quittons le chantier naval vers minuit. Et puis moi, par hasard, puisque j'étais, avant de venir à la réunion de la commission nationale, j'étais dans une ville sur la côte baltique, j'étais dans un autre hôtel que tous les autres. Alors, tous les autres, toute la commission nationale était dans le grand hôtel à Sopot, dans la ville d'eau. Et tandis que moi, j'étais au centre de Gdansk, dans le grand hôtel de Gdansk, j'étais avec deux autres amis de Solidarność. Et vers minuit et demi, Bernard Guetta frappe à la porte, je voulais dire, mais il ne frappe pas à la porte. Il la force, il l'ouvre et il me déclare, ça y est, ça a commencé. Et j'avais devant moi un homme en pyjama. Mais alors vous savez, Bronislav Geremek, en pyjama, réveillé à minuit et demi. Il a l'air d'être en smoking. Premièrement, il a l'air d'être en smoking et il fait la tête de la reine d'Angleterre réveillée par un importun. Et là, il me regarde avec un air absolument courroucé qui voulait dire, mais comment osez-vous, enfin, alors que vous savez que je suis fatigué, etc., etc. We are not amused. We're not amused, exactement. Et moi, je lui dis, je n'arrivais plus à parler, enfin, les chars, les arrestations, le truc, le machin, vite habillez-vous, etc. Et... Je lui décris ce que je venais de voir de mes propres yeux. Et il me regarde et il me dit, mais Bernard, qui dit ça? Et là, j'explose. Enfin, je dis, mais enfin, comment qui dit ça? Moi, je vous le dis, je viens de le voir. Ah, il me dit, ah bon, répétez. Sous-entendu, répétez calmement. Alors, je répète calmement. J'avais envie de le tuer, enfin, littéralement. Alors, je répète calmement. Il réfléchit. Et prononce cette phrase extraordinaire, fabuleuse, enfin mythique. Réfléchit et il me dit, ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas. Il me dit ça au moment où tous ses amis étaient montés sans ménagement dans des camions militaires, etc. Et alors là, il y a eu une telle assurance dans son propos que j'en suis resté soufflé pendant quelques minutes. Puis quand même, comme j'ai un certain sens de l'amitié et que l'amitié prévaut chez moi sur le sens de la formule historique, je dis, bon, bah, écoutez, habillez-vous parce que ils vont peut-être pas réussir, mais pour l'instant, ils approchent. Et alors, bon, je l'emmène dans une autre chambre de journaliste et puis vous savez, je suis un peu romantique, moi, je lui tendais déjà un rasoir pour qu'il s'enlève la barbe, etc. Alors, il me dit qu'il n'en était pas question. Je lui dis, mais venez dans ma voiture, je vous emmène, on a encore le temps. Ils n'arrêteront peut-être pas avec les plaques de correspondants, etc. Et je vous emmène au couvent, je ne sais plus quoi, où ils vont vous planquer pendant 48 heures, le temps que, etc. Et je me voyais déjà en train de, comme on dit, le sortir clandestinement du pays. Il m'a répondu que pas du tout, il prenait sa voiture et qu'il allait à Varsovie. J'étais absolument fou, parce que je l'aime bien, cet homme, quoi. Je savais qu'il allait se faire arrêter. Eh bien, évidemment, ça n'a pas raté. Il a pris sa voiture, il s'est fait arrêter sur la route. Mais le « ils ne réussiront pas », il faut quand même l'historien donne sa version. La mémoire humaine est très fragile. Parce que, en fait, ma première réaction, c'était justement « je ne veux pas fuir ». Et puis, je reste... Mais c'est Bernard qui a organisé ma fuite de cet hôtel de Gdansk. Il a trouvé un groupe de journalistes, un Italien, un Français. C'était pas sa fuite. Il partait sur Varsovie. Vous parlez d'une fuite. Il fallait passer par le hall de l'hôtel pour que les flics, et l'hall était déjà plein de flics, ne m'aperçoivent pas. Donc ils ont fait une foulée de journalistes qui passaient tout d'un coup, moi... Parmi eux, les flics n'ont rien vu, m'ont mis dans la voiture. On est passé par les quatre dans l'hôtel, d'ailleurs. Si oui, enfin, il y avait... Je me rappelle que vous m'avez sorti de cet hôtel, mis dans la voiture qui avait une chance, semblait-il, d'arriver jusqu'à Varsovie, mais à quelques dizaines de kilomètres, elle était arrêtée, j'étais reconnu par les flics. Et mis en prison. Si je comprends bien, Bernard Guetta vous a simplement, mais c'était déjà beaucoup, permis de vous faire prendre un peu plus tard. Quelques heures plus tard, mais il m'a aussi donné son assistant, qui était aussi son interprète à Gdansk. Donc en sachant maintenant qu'il n'aura rien à écrire, donc qu'il n'aura plus besoin de son assistant. Mais là, je veux diminuer un peu son sacrifice. C'est vrai, j'ai été sauvé pour quelques heures par Bernard Guetta et un groupe de journalistes occidentaux. Bernard Guetta, pour vos lecteurs attentifs, on a pu suivre au fur et à mesure que les années passaient une tendance éditorialisante. Il y avait toujours les faits, mais en plus, vous permettiez de mieux comprendre les faits, vous donniez une analyse dans vos articles, et ça s'est vu notamment quand vous étiez à Moscou, et notamment vers les derniers temps de Gorbatchev. Et vous, vous en êtes ensuite expliqué dans un livre, vous êtes plutôt... Pourquoi plutôt ? Vous êtes un admirateur de Gorbatchev. Oui. En revanche, j'ai envie de dire que Bronislav Geremek a d'abord toujours envie de dire, il le dira lui-même, que sans lui, plutôt sans Solidarité et sans Gdansk, Gorbatchev n'aurait peut-être pas vu le jour. Et d'autre part, vous vous êtes plus servi de Gorbatchev que vous ne l'avez admiré. Alors j'aurais voulu un peu avoir votre avis sur cet homme et sur cette cicatrice qu'il laisse sur la planète, pour employer de grandes expressions. Eh bien, si c'était une cicatrice, c'est une plaie. De ma part, il y a une sorte d'attitude polémique à l'égard de l'opinion politique occidentale, qui voit tout ce changement des années 80, en particulier 1989, comme l'action de Gorbatchev. Et là, je dis non. Je pense que le facteur capital, c'est 1980, c'est-à-dire mais la c'est naissance moi, vous dites ça. Je l'ai écrit 20 fois, bon, vous le savez mais, très bien. Mais j'ai dit à nos auditeurs. Ah bon ? Alors je voudrais qu'on se retrouve d'accord mais évidemment. D'abord sur ce point-là, et ensuite, on est d'accord sur le rôle de Gorbatchev. Non mais bien sûr que l'élément fondamental... Alors, remontons plus loin. Moi, je daterai, je crois que Bronek est d'accord avec... Il me semble qu'on en a parlé souvent. Je daterai le début de la fin de l'Empire soviétique, c'est-à-dire pas seulement de l'URSS, mais enfin, de l'URSS plus ce qu'on appelle le glacis centre-européen, tout simplement d'un événement capital qui est 56, c'est-à-dire les révoltes conjointes, très différentes de par leur nature, mais conjointes dans le temps, de la Hongrie, écrasée dans le sang, d'une manière absolument dramatique dont nous nous souvenons, ou de, nous devrions nous souvenir en tout cas, et puis... L'octobre polonais qui a évolué d'une manière non pas totalement rose, bien loin de là, mais nettement moins défavorable que ce qui s'était passé, que l'insurrection de Budapest. Voici les chars russes qui passent. Ils sont environ à une trentaine de mètres de moi. La tourelle n'a pas l'air de se diriger vers moi. Autrement, évidemment, je me planquerai en vitesse. Les chars passent doucement. Ils viennent s'arrêter. On essaye de voir en se mettant un peu au-dessus de la fenêtre, mais je vous avoue que c'est extrêmement dangereux. Un deuxième char le suit de près. Oui, mais ça y est, écoute, il vaut mieux pas qu'on va se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux. Oui, oui, je viens. Je tire à la mitraille, vous entendez les balles qui claquent contre le mur. Un troisième char arrive. Ah oui? Coup de camou. Un troisième char arrive, je ne sais pas si vous avez entendu. Vous entendez le bruit des chars, les gens dans l'hôtel sortent doucement. Quatrième char, et ils tirent. En quelle direction ? Ben, pas sur nous alors. Ils viennent tourner sa tourelle, c'est vers nous ? Il vaut mieux se baisser, oui je crois. Vous entendez de temps en temps les 8 balles qui tapent. Sur l'hôtel, je suis navré, j'arrête le magnétophone. Deuxième événement qui me semble absolument fondamental, clé dans l'effondrement du système soviétique, c'est évidemment la victoire de Solidarité en août 80, c'est-à-dire de Bronislav Geremek, entre autres. Mais entre autres, entre peu d'hommes, hein, par parenthèse. Parce que, de même que le rôle, je rigole et j'attrape le bras de Bronek, de même que le rôle de l'individu Gorbatchev a été fondamental dans les années 85-89 en Union soviétique, le rôle d'une petite douzaine ou d'une huitaine de personnes en Pologne a été fondamental. Parce que s'il n'y avait pas eu Bronek, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, à cette couronne, quelques autres encore, pour expliquer aux Polonais, et pas seulement aux grévistes du chantier naval, que oui, évidemment, on avait à l'époque le rapport de force contre le pouvoir communiste, mais qu'il ne fallait pas réclamer tout immédiatement, parce qu'on avait la possibilité de gagner une partie du tout, et qui permettait ensuite d'enclencher le processus favorable, et Dieu sait que ça s'est vérifié. Alors que si on était, j'allais dire, totalitariste, bon, c'est une mauvaise plaisanterie, que si on réclamait le tout immédiatement, tout de suite, vous savez, le tout de suite de mai 68, par parenthèse, eh ben, à ce moment-là, oui, effectivement, c'était les chars. Tout le pouvoir à solidarité ne pouvait pas répondre au fameux tout le pouvoir aux soviets 60 ans auparavant. Certainement pas en 80. Mais, allez, tant pis, on vide l'abcès. Le deuxième point de désaccord, et si tu veux, je crois qu'il est plus réel entre nous, parce que le premier, effectivement, il est complètement artificiel. Je crois, entre Bronek et moi, un véritable point de désaccord. Est-ce qu'il fallait que l'Union soviétique éclate comme elle a éclaté? Ma réponse à moi est non. Je le dis publiquement, puis je l'ai écrit. Je crois que si l'Union soviétique avait pu, l'aurait-elle pu, ça j'en sais rien. Enfin, si elle avait pu, ça aurait été mieux. Si elle avait pu évoluer, lentement, sûrement, rapidement, j'en sais rien, mais évoluer vers une forme de communauté européenne à l'envers, c'est-à-dire si on était parti d'un État unitaire pour arriver même pas à une confédération, mais à un espace économique et éventuellement politique très limité commun, nous ne serions pas dans la situation qui prévaut aujourd'hui dans l'ex-Union soviétique et qui me semble à tout point de vue catastrophique. Pourquoi ? Parce que la Russie a les matières premières. C'est un exemple. La Russie a les matières premières. L'Ukraine a potentiellement, en tout cas, le blé. Le blé de l'Ukraine ne sera jamais vendu à la communauté européenne. Le marché naturel du blé ukrainien, c'est la Russie. Le marché naturel des matières premières russes, c'est l'Ukraine, c'est éventuellement les Pays-Baltes. Les Pays-Baltes, on en revient à eux. Pourquoi est-ce que Brazauskas, l'ancien dirigeant du Parti communiste, enfin qui n'était pas beaucoup plus communiste que vous et moi, par parenthèse, mais enfin, bon, néanmoins, l'ancien dirigeant du Parti communiste, est élu à la présidence de la République lituanienne aujourd'hui? C'est parce que les Lituaniens ont constaté, évidemment que Landsbergis, c'était pas un grand homme politique, mais fondamentalement, qu'ils avaient des produits à vendre, de qualité, mais de qualité, disons, moyen supérieur ou moyen inférieur. Et qu'ils pouvaient vendre ça contre du pétrole, c'est-à-dire contre une vraie valeur, du gaz, etc., à la Russie, qui ne pouvait pas en revendre, vendre ni leurs produits laitiers, ni leurs transistors, qui sont pourtant excellents, sur les marchés occidentaux. Mais alors, face à Bernard Guetta, fédéraliste éclairé, mais fédéraliste à outrance, qu'est-ce que vous répondez par rapport à l'éclatement? Alors, à l'éclatement de l'URSS, fallait-il qu'elle éclata comme ça? Non, dit Bernard Guetta. Ça dépasse les bornes, ce qu'il est en train de dire, parce que c'est justement c'est une philosophie politique très française, avec une nostalgie de l'Union soviétique. Nostalgie, pourquoi? Parce qu'il y avait un monde ordonné, calme, et puis, en fait, des liens de coopération, etc. Il a quand même donné le modèle de la CE, ce qui prouve que la nostalgie peut être aussi... Bon, la nostalgie d'un journaliste objectif. Mais justement, c'est ce que je n'accepte pas, parce que je vous demanderai pourquoi vous, les Occidentaux, vous avez laissé se partager l'Empire carolingien en trois. Ce serait beaucoup mieux, au lieu de faire maintenant avoir des problèmes avec la CE. La CE existerait tout le temps pendant plus de 1000 ans. Pourquoi vous l'avez fait? Donc, sans plaisanterie et sans chercher... Non, François Feuilleteux pleure les Habsbourg dans ses livres. Donc, sans chercher... Bronek aussi, mais il n'ose pas l'avouer. Ce que je veux dire, c'est que les empires ne se transforment pas en confédération. Je n'en connais pas d'exemple. Et c'est ça le problème. L'Union soviétique était un empire. Elle n'était jamais une confédération telle qu'elle était pensée dans les années 20 par les dirigeants communistes. De l'époque, ils parlaient de la confédération. Il y avait même des actes légaux assurant la survie de la confédération. Mais c'était une plaisanterie. Il n'y avait jamais de confédération et il n'y avait jamais du rapport démocratique entre les peuples. Le fameux principe d'autodétermination de peuples n'a jamais été réalisé à l'intérieur de l'Union soviétique. Ce que je veux dire, c'est que l'Union soviétique était un empire condamné à disparaître. Et maintenant, je peux dire oui, que je regrette Nous n'avons pas trouvé maintenant des cadres, des projets d'avenir où cette vieille coopération pourrait trouver une continuation sans un cadre impérial. Mais l'Union soviétique, c'est un cadre impérial. Je reviens à l'exemple de l'Ukraine. En 1989, une délégation ukrainienne de la résistance clandestine ukrainienne vient chez moi, à mon invitation, je rencontre avec eux, et puis je leur explique, vous savez, quand même, la séparation de la Russie, c'est pas possible. L'Ukraine est tellement attachée à la Russie. L'Ukraine n'avait jamais un État indépendant dans l'histoire. Et puis, 40% de l'industrie militaire de la Russie dépend de l'Ukraine. C'est pas possible. Et puis, vous allez voir votre intérêt, même si vous avez l'indépendance, c'est de créer une sorte de marché commun, comme les Occidentaux le font, etc. Et la réponse de mes amis ukrainiens était très simple. Écoutez, et vous êtes maintenant dans un pays libre qui veut avoir l'indépendance nationale. Pourquoi vous me la refusez? Parce que ce que nous voulons, c'est avoir, au moins pour un jour, la liberté du choix. Si nous voulons une telle fédération ou confédération ou non, donnez-nous-la pour une nuit. Oui, mais en fait, est-ce que Bernard Guetta n'a pas raison trop tôt, en définitive? Est-ce qu'il faut commettre des erreurs qui ont été commises? Je prends le cas, par exemple, de l'Algérie et du Maroc. Enfin, maintenant, la communauté européenne se tournera peut-être vers ces pays du Maghreb plus de 30 ans après la fin d'un empire. Mais est-ce qu'il faut attendre une génération d'errance, voire d'erreurs, pour revenir à un cadre qu'est la sagesse même? L'historien vous dit que, hélas, ça se fait ainsi, il n'y a pas d'autre Et l'homme solution. Politique, il dit quoi? Et l'homme politique dit que Bernard Guetta a tort. Et là, c'est ma réponse. Parce qu'il a tort de sous-estimer l'aspiration des peuples à avoir ce moment d'indépendance. Et maintenant, quand on regarde l'attitude de l'opinion publique européenne, qui est mécontente du fait que la Slovaquie se sépare du pays tchèque, de la Bohême et de la Moravie, que la Yougoslavie se partage en plusieurs États et plusieurs peuples, eh bien, d'abord, il faut comprendre et ne jamais condamner. Et puis, il ne faut pas noyer son chagrin dans les nostalgies du passé. L'Empire austro-hongrois ne reviendra plus. Et l'Union soviétique, telle qu'elle, ne reviendra pas. Non, mais on peut noyer son chagrin dans la crainte de l'avenir. Mais vous parlez d'autre chose. En tant qu'homme politique, puisque vous parlez en tant qu'homme politique, j'ai envie de vous dire, vous n'avez peut-être pas le droit de dire « laissez-nous pratiquer nos errances en paix, voire en guerre ». Mais comment donc? Ce que je peux dire, c'est tout d'abord que vous, l'Occident, vous n'avez rien fait pour ce changement à l'Est. Il n'y avait jamais du marché commun à l'intérieur de l'Union soviétique. Donc il n'y avait rien à continuer. Tout ça, c'est à créer. C'était un système de domination. Un système de domination et de soumission ne pouvait pas continuer et se transformer dans un système démocratique de coopération et du marché commun. Vous vous retrouvez d'une façon presque miraculeuse en ce qui concerne l'événementiel. Parce que peut-être que tous les deux, vous pensez, un peu comme disait Lucien Febvre, qu'un événement, c'est un clou auquel on accroche ses idées. En revanche, je remarque que vous n'arrivez pas à vous entendre sur l'homme, Gorbatchev. Et là, est-ce que vous ne restez pas, vous, en tant que journaliste, un peu trop attaché à ce que représente un homme? Et vous, en tant qu'historien des annales, est-ce que vous n'avez pas cette méfiance ancestrale, oserais-je dire, vis-à-vis du grand homme? C'est le contraire. C'est le contraire. N'oubliez pas que pour Meck, c'est pour moi qui lui en ferai reproche, au contraire, bien au contraire, est aujourd'hui un homme politique en Pologne de premier plan. Alors, il ne peut pas parler quand il s'exprime, parce que c'est une personnalité publique. Il ne peut pas parler comme ça, avec la neutralité, pour le coup, de l'universitaire, de l'historien, etc. Non, il est bien obligé de penser aux répercussions de ses paroles. Alors, imaginez un instant ce qui se passerait si le président de la Commission des Affaires étrangères de la Diète polonaise déclarait froidement que les Baltes auraient dû attendre 2 ou 3 ans de plus, que les Ukrainiens auraient peut-être mieux fait de suivre le conseil que vient-il de nous dire, il leur a donné il y a donc 3 ans, d'être un peu patient. Mais arrêtons parce que ça devient très embarrassant. Jacques Le Goff, est-ce que l'action politique a transformé Bronislav Guéremec? Oui et non. L'amitié que je lui porte, vraiment, fait que je m'efforce d'être très attentif, non pas surtout de le juger, mais être très attentif à son évolution. Et ce que je sais, ce qui est en lui aussi extrêmement remarquable, c'est que lui-même ne cesse d'agir en se regardant, et je crois lui en se jugeant, ce que moi je ne fais pas. Ce qui m'avait toujours paru aussi une des choses prodigieuses chez lui, c'est cette capacité qu'il avait de vivre quelque chose, d'agir, parce que sa résistance a été une résistance extrêmement active, et en même temps de se juger. C'est cette lucidité immédiate sur les événements et sur lui-même. Et je sais qu'il ne cesse de se poser la question, est-ce que je ne change pas, ce qui voudrait dire, est-ce que je ne m'éloigne pas de ce qui est le meilleur de moi-même. Il est un de ceux à qui on peut le moins reprocher les déclarations suspectes, non sincères. On peut d'ailleurs penser qu'il a cela en commun avec la plupart des membres du parti politique auquel il appartient et dont le chef a été Mazowiecki. Et il est malheureusement certain qu'une des raisons de leur demi-échec politique est qu'ils ont voulu toujours garder le langage de la vérité et de la sincérité. Je ne crois pas, heureusement pour lui, et d'après ce qu'il me dit, qu'il ait été amené dans de véritables cas de conscience. Il ne s'est pas trouvé dans des situations où il aurait été obligé, si je puis dire, plus ou moins de mentir, de se renier. Plutôt, c'est de consacrer beaucoup de temps à une activité de type assez vulgaire. Essayer, mais très honnêtement, très sincèrement, de recruter des voix, d'amender des projets de loi, d'empêcher que les ministères soient renversés, ou quelquefois d'aider à les renverser s'ils paraissent insupportables, de se trouver mêlé à la politique politicienne. Il y a là, certainement, une chute de potentiel dans l'action dont il souffre. Et il le souffre à la fois en homme et là aussi en historien. Vous savez, nous tous, nous avons pensé que l'histoire politique, c'était pas la plus intéressante, et en particulier que cette histoire que les fondateurs des annales appelaient événementielle, c'était la moins intéressante à écrire et à vivre. Et voilà qu'il y est là-dedans. Wagon sypialny z numerami 257, 256, 255 zatrzymają się w sektorze pierwszym. Wagon sypialny z numerami... Dziękuję wam, żegnajcie, niechże Polska Nasha droga, Schlachetna, Valechna, Polska. Panu się nie świeci to czerwone światło. Nie szkodzi, ale gramy. Najważniejszym zadaniem tego programu jest przekazywanie widzom nie tylko najistotniejszych informacji z wiejskiej, ale także ciekawostek parlamentarnych. Ten program to sejmograf. Jak powstaje? Wydawałoby się nic łatwiejszego. Wystarczy wejść do Sejmu, zaprosić posła przed kamerę, wcisnąć rekord. Zaczęcie pięknie, raz, dwa i trzy. To wals dla ciebie, moja Warszawo. Niech z walcem płyną słoneczne dni. Zatańczmy pięknie, każdy jak umie. Z warsem i Sawo, raz, dwa i trzy. Ja cię, Warszawo, jak nikt rozumiem, za twoje gorzkie, wiślane łzy. Zatańczmy pięknie z warsem i Sawo, zatańczmy pięknie, raz, dwa i trzy. To wals dla ciebie, moja Warszawo, niech z walcem płyną słoneczne dni. Zatańczmy pięknie, każdy jak umie, z warsem i Sawo, raz, dwa i trzy. Ja cię, Warszawo, jak nikt rozumiem, ze twoje gorzkie ślane. Nous sommes maintenant dans le hall du Parlement. Ce hall du Parlement est tout blanc, immaculé, tout est clair, beaucoup de colonnes de marbre. Nous montons l'escalier et nous arrivons dans un immense hall. Vous venez d'entendre les sonneries, c'était la reprise d'une session. Les députés se hâtent. Nous venons d'apercevoir à l'instant, nous venons de croiser Tadeusz Mazowiecki en costume gris, un peu chevalier à la triste mine, une des gloires de la Pologne, l'ancien Premier ministre. Et nous entrons maintenant dans la galerie qui domine l'Assemblée, alors que la séance va reprendre. Vous entendez le président, qu'on appelle ici le maréchal, qui préside donc la séance, et la séance du Parlement est en train de reprendre. O stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Przypominam, że Sejm wysłuchał sprawozdania przedstawionego przez posła Tadeusza Wilińskiego i przeprowadził dyskusję. À gauche de l'hémicycle siège une masse de députés appartenant au PSD, l'ancien parti communiste, rénové, ou en tout cas qui a changé de nom. À la droite siège le parti chrétien national et au centre les députés de l'Union démocratique dirigés par Tadeusz Mazowiecki et Bronisław Geremek. On aperçoit Bronisław Geremek qui siège dans les premiers rangs, exactement au centre. Nous avons donc les échos d'une démocratie jeune, vivace et encore assez ludique. Uważam tą sprawę za zakończoną. W innej sprawie, jak to rozumiem. Proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu klubu. Ah mais voilà que Maria Borejcza nous fait signe maintenant. Maria Borejcza, c'est une des assistantes de Bronisław Geremek et elle nous fait signe de la suivre. Elle va sans doute nous emmener dans le sein des saints, un des couloirs à la lisière même de l'Assemblée. Nous allons sans doute aller jusqu'au foyer interdit au commun des mortels pour avoir une petite discussion avec Bronisław Geremek. Là. Vous Bronisław Geremek, nous sommes maintenant à l'intérieur du Parlement et j'aurais voulu que vous nous disiez exactement, en quelques mots, à quoi ressemble ce Parlement, parce qu'en France, depuis le mois de mars 1993, nous avons perdu toute notion de subtilité en ce qui concerne la composition des parlements. Nous avons un parlement presque monocolore, alors que vous, en Pologne, il y a absolument toutes les pièces de l'échiquier. Et j'aimerais que vous nous puissiez nous le présenter en nous parlant un peu de la subtilité de ce parlement et comment vous arrivez, avec votre groupe, l'Union démocratique, à tirer votre épingle du jeu. Je ne peux pas dire que c'est une question facile, mais il est vrai que le Parlement polonais est très loin d'être unicolore. Au Parlement, il y a 29 partis politiques. Et il y a une coalition qui est la base du gouvernement et qui est composée de 7 partis politiques. Ces 7 partis politiques, au début de l'existence du gouvernement de Mme Suchocka, disposaient de la majorité. Cette majorité était toujours très fragile. Et maintenant, elle semble descendre au niveau qu'on ne peut plus dire que c'est un gouvernement majoritaire. Ainsi donc, nous sommes à chaque instant exposés au vent de l'absence et de la présence. Quand il y a quelques députés de trop absents sur les bancs de la coalition gouvernementale, les propositions de l'opposition peuvent passer. Et nous parlons à un moment particulièrement important pour nous. L'opposition a présenté une motion demandant l'augmentation des retraites en Pologne. Eh bien, les retraites sont devenues une charge extrêmement lourde pour le budget d'État. Et on peut dire qu'au cours de 2 dernières années, les charges sociales couvertes par le budget ont augmenté de 200%. Si maintenant, après avoir voté le budget d'État, on ajoute une nouvelle charge, et c'est ce que demande l'opposition, il y aurait un immense trou de quelques 20 billions de zlotys. Et je vous avoue que quand il y a tant de zéros, je suis incapable de les traduire en monnaies étrangères. Je peux vous dire seulement que c'est beaucoup d'argent. Mais cette opposition est presque vicieuse, puisqu'elle vous oblige à tenir un discours presque contraire à celui que vous teniez du temps que vous étiez dans Solidarité. Mais c'est un problème qui n'est pas lié avec la mauvaise volonté de l'opposition, mais avec la situation qui a changé. C'est le syndicat Solidarność qui était à l'origine de toute cette transformation en Pologne. Et maintenant, Le syndicat, c'est-à-dire toutes les centrales syndicales, risque de devenir l'obstacle de la transformation. Et c'est le gros problème. Je ne peux pas dire que les syndicats demandent des choses qui ne sont pas justifiées. Au contraire, j'ai la conscience qu'il faudrait augmenter des salaires, augmenter des charges sociales, donner plus aux gens à la retraite. Et en même temps, je suis obligé de penser en termes de l'intérêt de l'État, en termes du budget d'État. Et je sais que si on donne maintenant plus, toute la construction fragile de cette nouvelle situation économique risque de tomber en ruine. Nous sommes arrivés à freiner l'inflation. En 1989, elle était de l'ordre de 2000%. L'année dernière, elle était de l'ordre de 35%. Elle est donc toujours importante. Et il y a les risques que si maintenant on ajoute d'autres charges sociales, l'inflation pourrait redémarrer. La cloche continue de sonner, des députés sont en train de courir pour aller voter. En Grande-Bretagne, vous savez que les cloches résonnent dans les pubs qui sont autour de Westminster, ce n'est peut-être pas le cas en Pologne, mais en tout cas, l'appel au vote est en train de résonner. Je ne voudrais pas qu'un gouvernement tombe à cause de nous qui vous aurions retenu. Mais dernière question, professeur Geremek, vous êtes à la fois le président du groupe de l'Union démocratique, donc vous êtes obligé de colmater toutes ces brèches de la majorité comme vous le faites en ce moment, et par ailleurs, vous dirigez la commission des affaires étrangères de la Diète. Ce qui veut dire que quand il n'y a pas de session, vous courez le monde. Et en plus, vous donnez des cours au Collège de France. Comment y arrivez-vous ? jusqu'à maintenant, je suis arrivé à remplir ces différentes fonctions qui sont en contradiction. J'ai terminé mes cours au Collège de France, ainsi donc une tâche de moins. Mais il est vrai qu'en tant que président de la Commission des Affaires étrangères, j'ai des voyages à faire, des visites officielles, ça prend beaucoup de temps. Mais il y a aussi une autre contradiction dans ces deux fonctions. En tant que chef du groupe parlementaire l'Union démocratique, et c'est le groupe qui a formé le gouvernement et la coalition avec d'autres partis, je suis obligé de représenter l'intérêt d'un groupe politique. Et en tant que président de la Commission des Affaires étrangères, je cherche à obtenir un consensus nécessaire. La politique étrangère de la Pologne doit être fondée sur un consensus concernant les tendances principales. Et entre ces deux tâches, il y a, je dirais, un style différent. Dans la tâche du chef du groupe parlementaire, je dois être un combattant. Dans la tâche du président de la Commission des Affaires étrangères, je dois être l'homme du compromis, de la construction d'un consensus. Il faut passer d'un rôle à l'autre, on n'y passe pas très facilement. Janus, une fois de plus. Voilà. Eh bien, nous allons vous laisser voter parce que je crois que nous avons retenu jusqu'à la dernière minute. Merci beaucoup et bon vote. Merci. Andrzej Szymek, vous êtes professeur à l'Université de Varsovie, spécialiste de littérature française, plus précisément du XVIIIe siècle, et vous êtes un observateur de la vie politique polonaise à votre niveau, c'est-à-dire que vous êtes universitaire, et vous avez quelques opinions sur Bronisław Geremek, qui a été happé par la politique alors qu'il venait de votre milieu, le milieu universitaire. J'ai l'impression que il y a chez vous une sorte d'admiration critique à son égard. Je crois que justement le mot admiration critique, avec toute son ambiguïté, est tout à fait bien choisi. Je commence par l'admiration. Il y a surtout ce côté que j'appellerais européen de Bronisław Geremek que j'admire. Et je crois qu'il ne faut pas cesser d'employer ce mot européen dans le bon sens du terme, dans le contexte polonais actuel. Ça, c'est donc la première remarque que je dois faire. Et quand je dis Bronisław Geremek, je pense évidemment à l'Union démocratique, malgré toutes les différences qui séparent qui divisent déjà les membres de ce groupe politique. Et parce qu'effectivement, je n'hésite pas à le dire, avec une certaine sensibilité de gauche, comme on dit en français, je me vois assez proche de cette aile gauche de l'Union démocratique, dont je crois Bronisław Geremek est le représentant. Alors là, le deuxième élément de cette juxtaposition ambiguë, donc admiration critique, la critique, je suis un peu perplexe. Formuler cette critique vis-à-vis de Geremek, ça me fait de la peine, tout simplement. Mais il faut que je le fasse. Je crois que le mot-clé que j'emploie souvent dans ce contexte, c'est le mot compromis, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller dans cette nouvelle réalité polonaise, dans le jeu du compromis. Mais concrètement, vous voudriez que Bronisław Geremek s'engage un peu plus frontalement, se batte un peu plus brutalement contre quel danger à vos yeux, en Pologne actuellement? C'est le danger d'un pays clérical et d'un pays, d'un État confessionnel. Et je crois que le rôle des gens comme Bronisław Geremek est celui-ci. Je crois qu'on ne peut pas se réfugier justement derrière un certain confort psychologique et qui consiste à dire qu'on connaît très bien le rôle de l'Église en Pologne et donc on doit mesurer avant tout ce qu'on a déjà gagné. Je crois qu'on mesure trop peu ce qu'on a perdu vis-à-vis de l'Église. Et qu'est-ce que les Polonais, qui sont pour la laïcité, qui sont contre un État confessionnel, ont perdu depuis 1989? L'instauration officialisée, quasi officielle, enfin déjà officielle, de l'enseignement du catéchisme dans les écoles publiques. Ensuite, tout ce débat autour de l'avortement, on en a beaucoup parlé, et où l'Église, justement, a marqué des petits pas, et que c'est ce milieu laïque dont vous parlez, que ce milieu laïque n'a pas tellement remarqué, ou en tout cas faisait semblant de ne pas remarquer. Et c'est le problème d'une certaine symbolique ou d'une certaine mythologie polonaise et qui n'est pas indifférente pour moi. C'est les crucifix dans les écoles, mais aussi cette façon de se plier à certaines exigences imposées par l'Église. Et je crois qu'il faut être tout simplement beaucoup plus ferme vis-à-vis de cette action qui est pour moi non pas religieuse mais quasiment politique du côté de l'Église, qu'il faut vraiment y faire face. Mais vous savez que on peut analyser de deux façons. On peut dire l'Église est en train de mettre sur pied une sorte de prise de pouvoir légèrement obscurantiste. Il y a ceux qui disent ça, vous semblez en être. Et puis il y a ceux qui disent, regardons la tendance, ce sont les derniers soubresauts d'un pouvoir moral et temporel qui fut important du temps de la démocratie populaire et qui est en train de perdre toute raison d'être, qui s'en rend compte et qui s'énerve. L'Église peut apparaître comme sur la pente déclinante que fut celle de l'Église, par exemple, au Québec. Là, je crois que les choses ne sont pas si simples que ça. C'est-à-dire que, justement, ces éléments positifs que l'Église a marqués, enfin positifs de son point de vue, c'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose qui reste dans la mentalité collective. Et là, il serait assez difficile de faire marche arrière. Il ne suffit pas de dire que de nouvelles élections parlementaires résoudront tous les problèmes. C'est-à-dire que le parti de l'Église, donc le ZKN, le parti de national chrétien, qui fait partie donc de la coalition de ces 7 partis gouvernementaux, tous plus ou moins, parfois plutôt plus que moins pour certains, issus de Solidarité, et dont le parti national chrétien est l'aile droite. Et il y a beaucoup de gens comme vous qui ne comprennent pas comment l'Union démocratique de messieurs Mazowiecki et Geremek puisse être alliée à ce parti clérical et franchement situé à la droite de l'échiquier politique polonais. C'est-à-dire, je peux le comprendre, je répète ce que je dis au début, je peux comprendre un compromis politique qui, dans une situation très particulière d'une Pologne qui vient de sortir du régime communiste, qu'il y ait des raisons diplomatiques qui mènent à ça. Et mon opinion, c'est que maintenant, il est temps de se poser des questions de base, des questions fondamentales. Pour en venir à ce compromis que vous comprenez mais qui vous irrite chez Geremek, il y a une source évidente. Il a compris que les affrontements du passé, au XIXe siècle et même encore en ce siècle, notamment contre la Russie puis l'URSS, n'ont rien donné. Que la Pologne héroïque, se levant sur les barricades, finissait laminée. Donc peut-être que ce compromis vient de cette hantise chez lui, je ne serai pas héroïque, comme les Polonais l'ont toujours été, mais pragmatique. Donc ça, on le comprend. Mais Yoksi, quelque chose d'extrêmement difficile à définir et qui peut expliquer ce compromis qui peut ressembler à un profil bas chez lui, qui est le fait que Bronisław Geremek est juif. Et qu'en Pologne, être juif, ça pose problème. J'aurais voulu que vous nous expliquiez comment, en Pologne, même en 1993, être juif peut être considéré par soi-même et par les autres comme une entrave. Être un homme politique juif en Pologne maintenant, avec toute la renaissance des xénophobies dont vous êtes parfaitement conscient, et ça pose problème. Et sur ce point, je crois que tout simplement, encore une fois brutalement, la Pologne n'est pas suffisamment mûre pour comprendre ce genre de statut d'homme politique qui est à la fois juif. Et à ma connaissance, et la coïncidence a voulu que nous avons célébré hier l'anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie, et à mon avis, c'est toujours un problème polonais qui nous hante, qui nous empêche de regarder d'une manière neutre un homme politique ou surtout un homme politique, mais aussi un intellectuel de taille, et qui est d'origine juive. Je le dis, je le répète, et évidemment, c'est un problème qui mérite une certaine analyse. Pourquoi ? Mais quand vous parlez des manifestations, la commémoration du cinquantenaire du soulèvement de Varsovie, c'était très net dans les rues, hier à Varsovie, il n'y avait pas grand monde. Et on voyait effectivement certaines manifestations, Bronisław Geremek et d'autres, et on se serait cru, je fais un peu de polémique, mais on se serait cru au beau temps de la clandestinité, en 81-82. Il n'y avait que quelques responsables polonais, alors que la ville, visiblement, de Varsovie, ne s'intéressait pas vraiment à ces commémorations. Et c'est là le premier grief que j'adresserais justement à certains hommes politiques, pas du tout à M. Geremek, bien entendu, et qui en est bien conscient, c'est-à-dire que finalement, les Polonais ne sont pas suffisamment sensibilisés sur l'importance de l'Holocauste, et qu'ils en parlent toujours en fonction soit de culpabilité, donc une exagération qui va dans un sens, soit du côté d'un antisémitisme primaire qui existe. Pour moi, ça, c'est tout à fait évident. Et là, je dirais, sans critiquer, bien entendu, l'envergure et l'importance des cérémonies d'hier, mais j'ai toujours l'impression, avec le nouveau régime, avec notre président de la République, qu'il s'agit là plutôt d'un certain rattrapage un peu forcé. Certains à Varsovie disent ouvertement, le vice-président américain est venu, le premier ministre d'Israël est venu, les délégations étrangères sont venues. Est-ce que tous ces gens viendront l'année prochaine pour le cinquantenaire de l'insurrection de Varsovie, de Varsovie même, et pas du ghetto? Donc on trouve déjà, ça reprend ce que vous disiez, ces espèces de réticences et de réserves qui ne sont pas dénuées d'antisémitisme. Mais ce que vous venez de dire, très curieusement, ou plutôt, on le comprend parfaitement, Bronisław Geremek ne peut pas le dire, lui. Le problème auquel on revient tout le temps, et je crois que vous avez tout à fait raison à poser cette question justement en Pologne, c'est que toute cette façon d'éviter le problème, de refuser cette analyse profonde, qu'est-ce qui fait qu'en Pologne, justement, un homme politique ou un intellectuel d'origine juive ne puisse pas parler d'une manière très, très claire? Pour moi, ce n'est pas évidemment une preuve de l'antisémitisme polonais. Mais c'est une preuve de quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire qui n'a pas été résolu, qui n'a pas été réglé. Mais ce que je réclame, c'est du côté polonais un peu plus d'humilité, un peu plus de compréhension pour la spécificité de l'Holocauste en Europe centrale, tout en étant d'accord que la xénophobie, que les antisémitismes se valent un peu partout. Je connais assez bien la France, je sais qu'il y a d'autres exemples qui pourraient être comparés à cette problématique antisémite polonaise, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose de plus. Vraiment un phénomène polonais qui est explicable par des raisons historiques telles ou telles, mais qui mériterait quand même un peu plus que cette recherche de l'équilibre des fautes et des erreurs d'un côté ou de l'autre. C'est ça qui m'intéresse. Bien, Andrzej Siemek, nous allons essayer d'aborder tous ces problèmes tout à l'heure au Parlement avec Bronisław Geremek, et lui-même va sans doute essayer de ne pas trop les aborder. Bronisław Geremek, nous sommes maintenant, je devrais dire Bronisław Geremek, maintenant nous sommes en Pologne, Bronisław c'est pour la France. Nous sommes à l'intérieur de votre bureau, et dans votre bureau sont réunis à votre droite Marcel Wojcinski, qui est cinéaste, franco-polonais, pourrais-je presque dire, qui a fait des films, notamment une série qui est passée sur la 7 et Arte, La Pologne comme jamais vue à l'Ouest, puis sur le pogrom de Kielce, puis récemment un autre film sur Katyn, avec l'aimable participation de M. Wajda. Et puis à votre gauche, il y a Andrzej Siemek, qui est un professeur d'université, spécialiste du XVIIIe siècle, et notamment de Crébillon. Et je voudrais leur demander de bien vouloir, à ma place, peut-être, enfoncer un peu le fer, et leur demander si, depuis 1989, ils n'ont pas l'impression qu'on va vers une libération, c'est peut-être mieux qu'une révolution, un peu trahie. Et est-ce qu'ils ne vont pas finir par penser, par reprendre à leur compte ce fameux mot de Jean-Paul Sartre, « on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation ». Si je vous réponds comme cinéaste documentariste, je peux vous dire que oui, je regrette cette époque. Parce que tout était clair, je savais ce que je faisais, je voyais très bien mon spectateur, je le voyais pas parce que la plupart de mes films ne sortaient pas à l'époque, c'était mis dans les tiroirs, mais je savais à qui je m'adresse, et je savais très bien que je trouverais, si je pouvais monter mes films, un certain écho. Que le spectateur potentiel, et bon, un petit groupe de documentaristes, pensait la même chose. Et on se faisait c'était comme des clins d'œil au-dessus de la censure, d'autorité. On savait très bien qui en parlait. Et bon, les sujets étaient assez clairs, l'ennemi était clair, tout était assez facile. Mais sûr, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et si je vous réponds citoyen polonais, parce que je ne suis pas franco-polonais, je suis complètement polonais, je vous dirais que bien sûr, je n'en regrette pas. Oui, je pense que les films de M. Wojcinski, c'était la voie de la liberté dans un pays où il n'y avait pas de liberté. Et il avait ce sentiment de pouvoir trouver tout de suite son public avec lequel il était en solidarité, avec compréhension complète. Maintenant, c'est plus compliqué puisqu'il y a la liberté. On peut tout dire. On peut s'exprimer comme il veut. Et puis, il n'y a plus de cette solidarité qui était celle de la lutte contre l'autre. Mais le fait indiscutable, c'est que tout d'abord, nous avons gagné la liberté. C'est énorme. Il ne faut pas oublier cela. Mais la révolution, donc, qui était une révolution de la liberté, d'une certaine façon, semble être une révolution trahie. Parce que toutes les révolutions sont trahies dans un certain sens. L'élan, l'enthousiasme du départ se perd dans la routine de la vie, dans les difficultés qui apparaissent. Je voudrais revenir à un exemple qui me semble très important. Ce problème de de la limite entre l'esprit de clocher et l'ouverture européenne. Oui, pour nous, l'Europe, c'était la liberté. Et il y avait une sorte de rêve européen qui nourrissait l'opposition démocratique en Pologne, qui nourrissait l'opposition au régime autoritaire ou totalitaire. Et puis, une fois, non seulement dans une situation de liberté, mais aussi au pouvoir, la question s'est posée, est-ce que le modèle européen, qui serait de trouver une place pour la Pologne dans l'intégration européenne, dans le modèle de civilisation, dans un modèle d'économie, dans un modèle de la vie publique, est-ce que ce programme, ce projet d'avenir est accepté par la société au sens large et par les groupes politiques? Mais le mot européen, d'abord, devient péjoratif, et ensuite, devient ridicule. Vous voyez, européen, et qui déclare ce sentiment d'appartenance à l'Europe, et puis l'Europe lui dit « Attends un peu, mon vieux, puisque je n'ai pas encore préparé. » Je vous rappelle un dessin des années 80 que j'ai à la maison d'un dessinateur polonais, Mleczko, où il y a un bonhomme dans un chapeau troué, des chaussures trouées, il pleut. Et lui, en se prenant, on voit très bien qu'il a une voix enrouée et qu'il est enrhumé. Il dit « Je suis européen, je suis européen ». Et il rentre à la maison où il sait très bien que le frigidaire sera à peu près vide, etc. Eh bien, maintenant, ça a changé. C'est différent, mais il y a un peu cet aspect-là. Et là, je pense que tout d'abord, il y a une énorme responsabilité de l'Europe qui, depuis 1980, n'a pas su répondre à l'attente qu'il y avait ici dans nos pays. S'il y a la séparation entre la Bohème et la Moravie d'une part et la Slovaquie, c'est entre autres parce que l'Europe n'a pas su à temps s'ouvrir. Si maintenant il y a une expansion de cet esprit anti-européen, c'est entre autres parce que il y a trop souvent, un débat mesquin sur les quotas de la viande, de l'acier et d'autres choses. Et l'Europe n'a pas eu ce moment de la fête de la liberté qui était 1989 pour nous. Et pour nous, c'était la redécouverte de l'Europe. Et il nous semblait naturel que l'Europe va partager notre joie, que cette division entre deux blocs va disparaître. Le paradoxe de la situation actuelle est que certains groupes politiques nés dans le spectre de Solidarność et qui se trouvent maintenant aussi dans la coalition gouvernementale se déclarent non européenne dans ce sens ou anti-européenne. Dans la coalition gouvernementale, l'Union démocratique est ensemble avec le Parti national chrétien qui, lui, se déclare d'une certaine façon anti-européen, c'est-à-dire il dit qu'il est européen parce que c'est l'Europe qui a perdu ses racines européennes. L'Europe, ça veut dire la chrétienté. Eh bien, c'est la Pologne, sous le régime communiste ou non, qui était la plus européenne. Et maintenant, il faudrait que ce monde, l'Occident autour de nous, comprenne que la civilisation de consommation, c'est une trahison à l'égard de la véritable tradition européenne. Si on oublie un peu la rhétorique de ce discours, et il s'agit des choix politiques pratiques et qui nous concernent à chaque instant. C'est le problème. Est-ce que, quand on vote une loi sur la télévision, est-ce qu'il faut introduire dans cette loi, ce qui a été fait au Parlement polonais, la référence aux valeurs chrétiennes, c'est-à-dire que la télévision doit servir les valeurs chrétiennes. Et un autre critère aussi important, est-ce que la télévision doit servir la raison d'État? Dans les deux cas, on rompt avec la tradition européenne puisqu'on introduit en fait la censure. L'institution de l'ancien régime, quand on pensait abattre avec le régime lui-même, on la réintroduit. Voilà le gros problème de cette révolution trahie, que finalement, il faut oublier l'idéologie, et il faut penser en termes pragmatiques. C'est toujours très difficile. C'est non seulement un autre discours, c'est un autre style de vie, de la politique, de l'engagement. Mais en même temps, l'idéologie que vous voulez laisser de côté, si vous n'allez pas à elle, c'est souvent elle qui vient à vous. Et en particulier, on a un peu parlé tout à l'heure, mais on a l'impression, ça fait tilt en tout cas pour nous Français, que de temps en temps, vous vous trouvez dans la situation de certains républicains modérés, mais pas modérément républicains, de la fin du siècle dernier en France, qui tentaient d'instaurer un régime, la République, alors que l'Église, à ce moment-là si présente et puissante, ne l'avait pas encore reconnue, juste donc avant le fameux toast d'Alger du cardinal de la Vigerie. Et cette Église polonaise, elle reconnaît sans doute le régime, mais elle ne reconnaît pas encore le rôle amoindri qu'elle devrait jouer dans ce régime. Et quand vous voulez être pragmatique, elle revient idéologique, en puissance, et souvent vous oblige à revenir à l'idéologie alors que vous voudriez l'abandonner. Vous êtes parfois obligé de ruser. Une loi va faire voter les Polonais le samedi, ai-je cru comprendre, pour éviter que les sermons du dimanche n'influencent par trop les électeurs. Donc j'aurais voulu demander à Marcel Wojcinski ce qu'il pense un peu de ce rôle de l'Église. Est-ce que elle acceptera, puisque les militaires sont revenus dans leurs casernes, d'ailleurs c'est maintenant l'institution la plus populaire en Pologne, ça lui a réussi, le Parlement où nous sommes est l'institution la moins populaire, il faut le dire, est-ce que si les militaires sont rentrés dans leurs casernes, l'Église acceptera de rentrer dans les séminaires, et à quelles conditions? Écoutez, je crois que c'est plutôt à M. Guérimet qu'il faut poser cette question, là, pas à moi, croyez-moi. Bon, je spécialise la question. J'essaierai de répondre. Je vous dirais d'abord, honnêtement, que vous avez raison. Et que de vous donner raison est douloureux pour nous qui avons essayé d'obtenir l'installation d'un régime démocratique, de la liberté, respect des droits de l'homme. Et nous avons cherché de réaliser un modèle de civilisation. Il est vrai que la présence de l'Église, parfois dans certaines situations politiques, dans certains problèmes culturels, la vie quotidienne, est trop forte. Et il est vrai aussi que l'intervention de l'Église, parfois, fait penser au danger d'un état confessionnel où l'intervention de l'Église est trop grande et viole aussi l'intimité de l'individu et du citoyen. Mais ceci dit, je voudrais déclarer que vous êtes victime d'un stéréotype qui se répand maintenant en Europe. Voilà la Pologne qui est un pays presque gouverné par l'Église triomphante et une Église qui semble faire tout pour retrouver son pouvoir d'antan. Si on regarde maintenant des prises de position des représentants de la hiérarchie polonaise, on doit constater un ton, un style qui n'est pas du tout triomphaliste. Un des évêques polonais a déclaré récemment qu'il se prononce pour le principe de la neutralité idéologique de l'État. C'est très important. Un autre a déclaré qu'il se voit lui-même anticlérical parce qu'il voudrait que le clergé n'intervienne pas dans la vie publique, mais que le clergé remplit tout d'abord sa fonction pastorale. Si c'est possible, si un tel discours est possible, si de telles déclarations sont possibles, avouez que ce que vous présentez dans votre question reste emprisonné dans un stéréotype qui ne correspond pas à la vérité. Vous serez d'accord avec moi que les deux évêques que vous avez cités sont en minorité. C'est l'opposition. Je suis prêt de déclarer que c'est vrai, mais je voudrais ajouter qu'un d'eux est un des secrétaires de l'épiscopat polonais, donc C'est pas n'importe quel évêque, si j'ose dire. Tout simplement, vous voulez dire que c'est un bon début, si vous voulez. Mais la question peut se poser aussi, est-ce que, dans l'intérêt de la Pologne, nous n'avons pas besoin d'une intervention de l'Église dans la vie sociale? On peut penser que si maintenant on demande à l'Église de rester enfermée dans l'enceinte des lieux de culte, est-ce qu'on ne perd pas une chance importante? Vous voyez, la Pologne se trouve devant une révolution sociale très profonde. Un tiers de la société polonaise, ce sont des paysans, des gens vivant à la campagne, vivant de l'agriculture. Dans une société moderne, il faut que ça passe de 30% à quelques 6% ou 7%, la participation des paysans dans la société entière. Est-ce que, sans Église, un tel changement, une telle transformation dramatique peut se faire? Et là, on peut voir un rôle important de l'Église positive, c'est-à-dire l'Église soutenant cette œuvre de transformation et cette œuvre du changement. Donc vous ne lui déniez aucun rôle temporel à condition qu'elle aille dans votre sens. Voilà, là, c'est très souvent, c'est ce qu'on entend du côté de l'Église. On dit, voilà, vous voulez nous enfermer dans l'enceinte des églises, des lieux de culte, et vous nous permettez d'en sortir seulement quand nous irons dans votre sens. Mais avouez que c'est un peu démagogique. Je voudrais poser la question à Andrzej Siemek, en gros, dans ce débat cléricalisme, laïcité, pour que nos auditeurs français s'y retrouvent, si Bronisław Geremek et Jules Ferry, monsieur Andrzej Siemek serait plutôt Clémenceau. Donc, est-ce que un peu plus radical? Quel est votre avis sur la question? Et l'homme du 18e siècle, là, en plus. Là, je dois avouer, monsieur Geremek, j'ai du mal à vous suivre, parce que évidemment, vous répétez une chose qui est connue, c'est-à-dire le rôle gigantesque que l'Église polonaise a joué. Mais il y a quand même un facteur que j'appellerais insidieux, c'est-à-dire que tout en gagnant cette position du facteur prédominant dans la vie politique, dans la vie culturelle, dans la vie sociale, évidemment, l'Église en profite. Je cite maintenant le catéchisme à l'école. Et je crois qu'il y a certains éléments, et surtout la manière dont on a procédé pour l'introduction du catéchisme à l'école. Alors, ou bien on est content et on se dit, écoutez, le rôle de l'Église en Pologne, c'est ça. Il faut accepter justement une certaine voie pragmatique pour que ça marche, étant donné les succès qu'on avait enregistrés grâce à l'Église, entre autres, ou bien on revient toujours à certaines valeurs auxquelles on est fidèle. Et on se dit, par exemple, qu'un athée, ou je ne sais pas, un musulman, a aussi ses droits, et on les défend très très fort. Je voudrais juste mettre d'accord Bronisław Geremek et Andrzej Siemek en rappelant que, contrairement aux Américains, il n'y a pas encore marqué sur le Zboty « Nous croyons en Dieu ».« In God we trust », c'est peut-être une victoire qui perdurera. Pénible, qui est celui de l'antisémitisme. Alors, moi, je tenais à ce qu'on en parle en Pologne, parce que, quand on en parle en France, on vous répond tout de suite, et vous, les Français. Je crois qu'on pourrait d'ailleurs commencer cette discussion sur l'antisémitisme en Pologne par dire que l'antisémitisme a existé, existe en France, et que ce n'est pas en Pologne qu'on a trouvé un gouvernement prêt à faire de la surenchère sur les lois antisémites nazies. Donc je crois qu'il faut commencer par cela. Mais c'est là, généralement, que s'arrête la discussion quand on essaie de parler de l'antisémitisme avec un Polonais en France. Je voudrais, vous, Marcel Wojcinski, qui avez souffert de l'antisémitisme, encore récemment... Je n'ai pas souffert de l'antisémitisme. Vous avez, en tout cas, été récemment attaqué lorsque vous faisiez la campagne de Tadeusz Mazowiecki, Je crois que Bronisław Geremek l'a été un peu aussi. C'est sans commune mesure, bien entendu, avec ce qui a pu se passer voilà 50 ans. C'est sans commune mesure avec ce pogrom de Kielce que vous avez analysé. Mais le fond de l'air demeure parfois antisémite en Pologne. Si on parle de stéréotypes, ça c'est des stéréotypes les plus répandus. Et à mon avis, il est faux. Si c'est comme si je vous dirais, je sais pas, les Français se lavent pas ou les Français mangent les grenouilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, ça veut rien dire. Il y a des Polonais qui sont antisémites, il y a des Polonais qui ne le sont pas. Bien sûr, votre question concerne une autre chose. Je crois que très souvent, l'antisémitisme en Pologne était utilisé comme outil politique. C'est encore un trait, vous savez très bien. En 56, en 68, 76, n'est-ce pas? Et malheureusement aussi pendant, là où vous faites allusion à la campagne électorale présidentielle, là aussi, malheureusement, c'est notre président. Ça serait donc un outil qui serait entre très peu de mains. Je ne sais pas quel effet ça a eu. Bon, c'était malheureusement notre président pendant la campagne électorale a lancé certains slogans populistes, on peut dire antisémites. Est-ce que ça a pris ou non? Est-ce que la mayonnaise a pris ou non? Je ne sais pas. Bon, bien sûr, si les apparences, si vous promeniez à l'époque dans les rues de Varsovie, c'est vrai que sur tous les, presque sur tous les affiches de M. Mazowiecki, vous avez sur le front, vous avez l'étoile du Sion, qui était marquée par quelqu'un. Par combien de gens, je ne sais pas, par des jeunes, par des vieux, je ne sais pas par combien. Écoutez, Marcel Wozinski, vous commencez par me dire qu'en définitive, il n'y a pas d'antisémitisme, ensuite vous me donnez... Je vous dis pas qu'il n'y a pas d'antisémitisme, mais tout simplement, je proteste contre cette phrase, le Polonais est antisémite. Parce que ensuite vous nous donnez tous ces détails. Je me tourne vers Bronisław Geremek. C'est un peu curieux parce que vous savez, c'est une vieille histoire yiddish. D'abord, tu m'as jamais prêté ta casserole. Ensuite, je te l'ai rendue. Et de toute façon, quand tu me l'as prêtée, elle avait déjà un trou. Il faudrait éviter cette logique-là, même si elle peut être amusante quand on parle d'un sujet aussi grave. Alors comment vous allez catapulter ce cliché-là? Écoutez, je pense que vous avez tort. Que je partage complètement l'avis de Marcel Wozinski que c'est un stéréotype faux parlant de l'antisémitisme polonais. Parce que on attribue aux Polonais une attitude, un comportement et qui n'est pas le leur. La xénophobie est maintenant un phénomène, je ne veux pas dire qu'en France elle existe, mais elle existe dans le monde entier. Il faut voir que la xénophobie est exploitée très souvent pour des raisons politiques. Et ce que Marcel Wozinski vient de dire, c'est que l'antisémitisme dans un pays sans juifs était exploité à des fins politiques. Et dans ce cas, on peut se poser la question, on exploite ce qui existe. S'il n'y avait pas d'antisémitisme, il n'y aurait rien à exploiter et aucun politique raisonnable, aucun homme politique ne le ferait pas. Je me corrige, il n'y a pas d'homme politique raisonnable qui emploie ces méthodes-là. Ce que je veux dire, c'est qu'en effet, il y a en Pologne un certain fond de croyances, de comportements, d'hostilité à l'égard des Juifs. Et que très souvent, ces comportements sont nourris par ignorance complète. Il y a des jeunes gens en Pologne qui emploient des slogans antisémites ou qui dessinent ces étoiles sans voir dans leur vie un juif, sans savoir qui est-ce un juif. Il faut définir ces dangers parce que on peut le combattre seulement quand il est limité. Il n'est pas encore développé et c'est pour cette raison que je crois qu'il faut en parler même en Pologne. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans les élections parlementaires, il y avait un parti antisémite qui s'est présenté aux élections et qui a demandé aux Polonais de voter pour lui. Et il a obtenu dans un pays de 40 millions, de 20 millions de citoyens ayant le droit de voter, il a obtenu 5000 votes. 5000 votes. Est-ce que on peut dire ensuite qu'il y a un antisémitisme, c'est-à-dire que la Pologne est un pays antisémite? Soyons sérieux, la première chose. La seconde chose, il y a un stéréotype qui lie un peu la Pologne avec l'extermination des Juifs. Il est vrai que le peuple d'Israël vivait sur la terre polonaise depuis des siècles. Et quand il y avait un tel meurtre collectif, il n'y a pas des gens qui peuvent dire qu'ils ne sont pas responsables. Mais il ne faut pas oublier que l'aide qui a été donnée en Pologne était immense. Et en Pologne, elle était menacée par la mort. La Pologne, je crois, est le seul pays où le fait d'aider les Juifs était puni de la peine de mort par les Allemands. L'extermination des Juifs, s'il se faisait en partie sur la terre polonaise, était le fait du nazi. Le fait des Allemands, on oublie un peu. Et ça m'étonne toujours quand je vois que finalement, il y a l'entente très bonne entre les Français et les Allemands. Les Allemands, je suis le premier à m'en réjouir. Mais il ne faut pas oublier, finalement, quand on parle des camps de concentration et d'extermination en Pologne, que ce sont les Allemands qui l'ont fait, et pas les Polonais. Donc, je parle des choses qui peuvent sembler banales, mais parfois, on oublie cela. Et la mémoire collective est très courte. Tout d'un coup, ces événements qui, pour moi, forment ma biographie et ma vie, ces événements-là semblent être tirés des manuels d'histoire. Cette histoire vécue permet de briser les stéréotypes. Donc, c'est ça, là, la seule chose que je voudrais souligner. Et je pense que je serais d'accord avec Wojcicki de dire que s'il y a un antisémitisme exploité par les mouvements politiques ou non, s'il y a, il faut le combattre. Après le Holocauste, l'antisémitisme est non seulement incompréhensible, mais monstrueux. Bin ich jung geblieben, so die Neut mir a Reus getrieben. Wenn ich ob nur kein 13 Jahr gehad, in der Fremd, weit von Mames Zeugen, hat die Schmutz mir die Gass erzeugen. Geworden ist von mir a Ich bin a Vremel, der feigster Marwicher, a größe Künstler, harvet leicht und sicher. Das erste Mal, ich will's gedenken, bis im Teut, a rein in die Füße verlackenen, a breut, oi, oi, Nicht auf Marken wie jene Prostiaten, zieb nur bei karge, schmutzige Magnaten. Ich bin sich mechaie, wenn ich tap als ein Magnat. Ich bin a Vremel, gura Voileriat. Le fait est que je ne suis pas, je ne participais pas à aucun gouvernement. Je ne participais à aucun gouvernement jusqu'à maintenant. Je souligne un tout petit peu ce jusqu'à maintenant, mais je suis heureux de pouvoir dire la première partie de cette phrase. Est-ce que je pourrais vivre sans la politique? Je ne sais pas, je suis un homme qui est engagé dans la politique, non pas dans, je dirais, la technique politique, dans le jeu politique. Je sais le faire, mais je ne l'aime pas. La politique m'attire seulement comme une réalisation de certaines valeurs, d'un certain projet d'avenir. Et je sais que tout homme politique le dit. Et je ne vais pas dire que moi, la différence qui me concerne est que moi, non seulement je l'ai dit, mais je le pense. Mais c'est que tout simplement, je suis entré dans la politique d'une façon différente. Et je suis entré en ayant un certain âge. Et la façon dont je fonctionne dans la politique est telle que si je ne trouve pas une référence, je ne veux pas appeler idéologique, puisqu'elle n'est pas. Mais qui est une référence aux valeurs et à la morale? Je n'aurai pas de place pour moi dans la politique. C'était Le bon plaisir de Bronisław Geremek par Antoine Perrault. Parmi les ouvrages historiques de Bronisław Geremek, traduits en français, citons Les marginaux parisiens au XIVe et XVe siècle, chez Flammarion, ou La potence et la pitié, l'Europe et les pauvres, du Moyen-Âge à nos jours, chez Gallimard. Rappelons aussi deux livres liés à l'actualité publiés au Seuil, La rupture, la Pologne du communisme à la démocratie et Passion commune, un dialogue recueilli par Philippe Saint-Denis entre Georges Duby et Bronisław Geremek. Document INA 1956-1967. Prise de son Jean-Marie Charon et Georges Arrigoni. Mixage Mireille François et Jean-Louis Boissonnade. Réalisation François Viette. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 mai 1993.